prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Et c'est l'heure de la météo sur RMC, la météo de votre week-end avec Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour à tous. Alors la journée s'annonce très belle aujourd'hui, une belle journée d'automne, profitez-en. Ce matin, quelques brouillards vous accompagnent dans le centre-est et les Ardennes, mais ils vont très vite se dissiper et le soleil va vous accompagner tout ce samedi. En grande majorité, le soleil va briller pour tout le monde. Magnifique ciel bleu, sauf peut-être sur la Bretagne et la pointe du Cotentin. Sur ces régions, quelques nuages sont présents dès le lever du jour, des nuages présents localement et ils vont s'intensifier au cours de la journée. Le ciel deviendra de plus en plus gris à l'ouest, puisque ces nuages annoncent des pluies qui vont arriver ce soir par la Bretagne. En Bretagne, où le vent du sud va souffler à 70 km/h aujourd'hui sur la pointe Finistère. Du vent, vous en aurez aussi dans le golfe du Lion à 50 km/h. Et les températures ce matin, elles sont comprises entre 7 et 13 degrés, 7 pour Strasbourg, 13 pour Tarbes. Sur le pourtour méditerranéen, le thermomètre affichera entre 15 et 17 degrés. Et cet après-midi, rien à voir. La fraîcheur va se faire oublier puisque le mercure remonte. On attend 22 degrés à Brest, 23 à Mulhouse, 26 à Nantes, 25 à Nice, 26 à Marseille. Et puis dans le sud-ouest, il va faire très chaud. Nous sommes entre 4 et 8 degrés au-dessus des normales de saison. Comptez 30 degrés à Auch, dans le Gers, 31 à Bordeaux, 30 degrés à Montauban. Il va faire chaud pour un 24 septembre. Et profitez-en puisque demain, nous perdrons une dizaine de degrés. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec football, les matchs de la Première Ligue anglaise. 14h45, rugby top 14, Castres Racing 92. Et dès 17h, Intégral Foot Ligue 1, Lorient-Lyon, avec à 20h les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 6h, toute l'actualité tout de suite avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, le PSG est-il en train de devenir un club comme les autres? Le football, deuxième défaite hier soir en 7 journées, pas à la hauteur des ambitions parisiennes. Les soldats français vont dire adieu aux FAMAS, révolution dans l'armée qui va se munir de nouveaux fusils, sauf qu'ils ne sont pas fabriqués en France. Et puis la politique et Alain Juppé qui tentent de se placer au-dessus de la mêlée, la stratégie du candidat à la primaire à droite qui veut remettre Nicolas Sarkozy à sa place. Il est 6h01 sur RMC, bonjour à tous. Deux défaites en 7 matchs, c'est autant que pour toutes la saison dernière. C'est un fait, le PSG ne survole plus les débats. 7e journée de Ligue 1 hier soir, on parle football et la défaite 2-0 des Parisiens. À Toulouse, le capitaine Thiago Silva ne désespère pas. Je pense qu'à petit, on va revenir. L'année dernière, on a commencé très bien la saison, on a fini mieux. Et cette année, on a commencé pas très bien. Mais on a tous les championnats devant. Mais pour l'instant, on doit penser qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un petit peu. Voilà, défaite du PSG, mais surtout la victoire d'un homme, Wilfried Templier, celle du coach toulousain Pascal Duprat. Oui, depuis son arrivée, Toulouse tourne à presque 2 points en moyenne par match, un parcours de champion qui dans un premier temps a permis à l'équipe de sauver sa peau en Ligue 1, puis cette année de la vendre chèrement. Duprat tire la quintessence de son effectif qui le lui rend bien et réveille le monde du football dans la ville rose, surtout par sa verve, son sens de la communication. Il a fait du TFC un acteur qui compte maintenant en Ligue 1 et cette victoire de prestige face à Paris lui amène encore plus de crédibilité. On aime ou on n'aime pas Duprat qui flingue, dénonce, désingue mais surtout gagne et c'est ça le plus important pour des fans toulousains à la fierté. Et la suite de cette 7e journée, c'est aujourd'hui. Ça commence à 17h avec le déplacement de Lyon à Lorient. Et puis la suite de l'actu sport, c'est à la fin de ce journal. Le fameux FAMAS a donc vécu place au HK416, nouvelle arme qui va équiper d'ici quelques mois l'ensemble de l'armée française. Le FAMAS était utilisé depuis les années 80, fabriqué à Saint-Etienne. Le HK416, lui, il est allemand, oublié donc le Made in France. Comment l'explique l'armée, Romain Cluzel? L'appel d'offres remonte à 2014 et le cahier des charges était très spécifique sur 600 points différents concernant le fusil, ses munitions et le fabricant. Des conditions pas seulement techniques mais aussi logistiques. Le fabricant devait être européen et pouvoir livrer jusqu'à 16 000 armes par an. En plus, il faut assurer le service après-vente pendant une trentaine d'années. Il fallait donc un armurier solide financièrement. L'armée française recherchait une entreprise avec un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros depuis au moins 3 ans. Et en France, personne n'a une telle capacité. Depuis que Manufrance a stoppé sa production militaire, le numéro 1 français C'est Vernet Caron avec seulement 12 millions de chiffre d'affaires. On est donc loin des conditions requises. Ce n'est pas la première fois que l'Allemagne fournit les armées françaises. Depuis 2 ans, les célèbres Rangers ont été remplacés par X, une société bavaroise. Les précisions de Romain Cluzel à l'étranger, cette nouvelle fusillade aux États-Unis. Très peu de détails pour le moment. C'était tard cette nuit. Tout s'est joué dans un centre commercial à l'ouest du pays, dans l'état de Washington. Au moins 4 personnes tuées, le tueur a pu prendre la fuite. La victoire d'Ali Bongo validée au Gabon, validée hier soir par la Cour constitutionnelle du pays. Les recours de l'opposant Jean Ping ont tous été rejetés. L'issue du scrutin fin août dernier avait déclenché une vague d'émeutes meurtrières à Libreville, la capitale et dans d'autres villes du pays. Ce n'est plus presque 5 milliards d'euros que Jérôme Kerviel devra rembourser à la Société Générale, mais seulement 1 million d'euros. Décision de la Cour d'appel de Versailles hier. Décision qui met la banque devant ses responsabilités. Elle a commis dans cette affaire pas mal d'erreurs, ce qui a poussé le ministre des Finances à réclamer l'examen fiscal de la Société Générale. Examen fiscal parce que quand le scandale a éclaté, la banque a bénéficié d'une aide de l'État de plus de 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle est donc jugée en partie responsable et l'avocat de Jérôme Kerviel, David Koubi, demande donc un remboursement. Il y a 28 pages dans cet arrêt d'appel qui fustige tout le comportement de Société Générale, qui parle en droit d'une faute majeure de Société Générale qui préexiste à celle de Jérôme Kerviel et qui lui a permis de réaliser la sienne. Il faut peut-être en tirer des conséquences fiscales. Michel Sapin avait indiqué devant l'Assemblée nationale que si la condamnation de Jérôme Kerviel était réduite à néant ou réduite, il irait récupérer cet argent. Il suffit maintenant à Michel Sapin et à son directeur de cabinet, qui est l'ancien numéro 3 de Société Générale et qui a été embauché cet été, d'aller récupérer cet argent. David Koubi est chez nos confrères de BFM TV. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui refuse de glisser quand tout le monde glisse. Le soutien apporté par François Bayrou, candidat à la primaire des Républicains, Alain Juppé, hier. Longue interview dans le journal Le Monde, dans lequel il regrette le durcissement du discours de campagne et surtout celui de Nicolas Sarkozy. Elisa Bertholomé. Je provoque sans doute moins d'hystérie, mais plus d'enthousiasme. S'il fallait résumer la contre-attaque d'Alain Juppé face à Nicolas Sarkozy, ce serait avec cette phrase. Mais le maire de Bordeaux ne se contente pas d'une pique, il étrille carrément les propositions de son adversaire. Les musulmans, à force de les brocarder, attention à ne pas déclencher une guerre civile, met en garde Alain Juppé. Les Gaulois, nos ancêtres, une polémique d'un autre âge, tacle-t-il. L'enfermement des fichés S, un débat dénué de sens. N'en jetez plus, il fallait rappeler aux Français qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, explique-t-on dans l'entourage d'Alain Juppé, et le candidat de se poser de nouveau en rassembleur. Je suis le seul qui peut largement battre Marine Le Pen. Du côté de Nicolas Sarkozy, on prend ses attaques avec beaucoup de recul. Une proche raconte, les gens que je croise ont envie qu'on leur apporte des réponses, pas des chamailleries. Rideau baissé, silence dans les rues, une ville à l'arrêt, opération ville morte ce samedi à Belfort. Tous les habitants et les commerçants appelés à soutenir les Alstom. 480 salariés en sursis depuis l'annonce de la fermeture du site. Olivier Coller, délégué CFDT chez Alstom, apprécie la démarche. On sent qu'il y a un élan quand même. On sent qu'il y a une implication importante des commerçants et donc qui se sentent particulièrement touchés. C'est 400 familles qui sont impactées. C'est une incidence économique importante. Ça veut dire que voilà, plus d'achats effectués dans les divers commerces de cette ville. Ça veut dire aussi un impact vis-à-vis des sous-traitants concernant les sociétés de nettoyage, concernant les bureaux d'études qui travaillent actuellement pour cette usine. Et donc une incidence importante pour la mairie, pour la ville et les commerçants naturellement. Ouais. Olivier Coller au micro d'Antoine Perrin. Autre ambiance bien plus légère à Toulouse. Cette fois-ci à l'occasion de la fête de la gastronomie un peu partout dans le pays. Aujourd'hui, la Ville Rose se met à table et pas n'importe comment, une table gigantesque, Jean-Wilfried Forquès. Ce sera un banquet géant, ils seront 3000 à table. Olivier Soenen de l'association Toulouse à table. C'est pas plusieurs tables, c'est une grande table. On va manger tous ensemble. C'est surtout ce qu'on veut garder. Il faut que ça reste convivial et populaire. Ce sera surtout un banquet intergénérationnel, ce qui ne déplaît pas à cette jeune Toulousaine. Moi je trouve ça génial. Moi j'adore partager avec les personnes âgées. Donc je pense que l'ambiance peut être vachement sympa. Et ce jeune Toulousain sera là, il ne viendra pas seul. Je ne sais pas encore, oui, entre amis, je pense. L'occasion de goûter des produits du coin, quoi. Pâté de campagne, veau à la broche, fromage de Rocamadour et vin du Sud-Ouest. Priorité aux produits régionaux, dit Olivier Soenen. C'est le festival du bien manger, en fait. L'idée première, c'est d'abord de valoriser les producteurs de la région. L'idée, c'est de dire, bah voilà, à Lyon, il y a le festival des Lumières, à Bordeaux, il y a le festival du vin, à Toulouse, on va faire le festival du bien manger. Chaque convive devra débourser 17 euros pour participer à ce repas, placé sous le signe de la convivialité. Le reportage à Toulouse de Jean-Wilfried Forquès, 6h08 sur RMC. On parle rugby à Toulouse, toujours, parce que le stade ne va pas bien du tout, même journée de top 14 aujourd'hui, et oubliez les multiples titres des années passées. Toulouse est 11e au classement, ils reçoivent le Stade français aujourd'hui, mais Maxime Médard, lui, ne dramatise pas. Et c'est juste qu'il faut arrêter de vivre dans le passé. C'est sûr que, voilà, moi, ça fait maintenant 12 ans que je suis au club, on a gagné souvent des titres et tout, c'était super, mais aujourd'hui, on se dit, ouais, il y a des joueurs qui ont arrêté, ouais, il n'y a pas les mêmes joueurs, ouais, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais aujourd'hui, c'est, si on veut écrire notre histoire, c'est avec ce groupe, c'est pas avec des joueurs qui étaient dans le passé. Voilà, on est un groupe et c'est à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain. Allez, rapidement, un mot de basket. C'est ce week-end que débute le championnat de Pro A. L'ASVEL, champion titre, reçoit Monaco. Match à suivre sur RMC et match à suivre sur SFR Sport 2. 6h08 sur RMC. François Sorel, les cours. Et oui, Thomas, bonjour. Bonjour Thomas. Tiers écarté Quintet Plus cet après-midi à Auteuil. Sébastien Darras nous conseille le 9 Viking Maker et le 12 Bandit Déné. Brahim Asloum, lui, aime beaucoup le 10 Kialko. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 14 Messire Fontenelle et le 13 Urgent de Gregen. Le 9, le 12, le 10, le 14 et le 13. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, 6h-8h. Votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Et nous y voilà, 6h10. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Et comme chaque week-end, je suis très très très heureux de vous retrouver avec une mention particulière, un message particulier à tous ceux qui, je le sais, nous écoutent exprès le matin, mettent le réveil dès 6h10 pour retrouver RMC, le week-end des experts. J'ai encore reçu quelques petits messages durant la semaine, que ce soit sur Twitter ou même sur notre mail. Et je tenais à vous en remercier. Merci, ça fait vraiment plaisir en plus de se réveiller. Et ça donne du baume au cœur de savoir que vous êtes là dès 6h. On va passer donc ce week-end ensemble, 6-10, vous le savez, comme chaque samedi et dimanche. Avec demain, entre 6 et 8, les animaux Laetitia Barlerin. 8h-10h, ce sera l'automobile Jean-Luc Moreau, comme d'habitude. Tout à l'heure, la maison avec Christian PC. Il y a un sujet un peu grave quand même, puisqu'on va parler de traitement de l'air dans la maison. Il faut savoir que 90% des Français pensent que leur domicile est convenablement aéré. Eh bien, c'est faux tout cela. Il faut aérer. Quelles sont les mesures à prendre? Est-ce qu'il y a des appareils qui permettent de purifier l'air à la maison? On en parlera tout à l'heure avec Christian PC. Et bien sûr, toutes vos questions, bricolage, maison déco, dès 8h. Mais dans l'immédiat, pour débuter ce samedi matin, c'est Patrick Miolan que j'accueille. Bonjour Patrick. Bonjour François, bonjour à tous et très bienvenue au jardin. Jardin qui se porte bien. Oui, ça va. Voilà, on finit l'été, enfin maintenant on est rentré dans l'automne, mais on a fini l'été assez agréablement. Et on va, je pense, commencer l'automne dans les mêmes dispositions. Ouais, c'est un peu l'été indien quand même. Hein. Un petit peu, oui. Non, c'est pas mal. Alors bon, n'oubliez pas, il manque un peu d'eau dans certains endroits. Donc il faut continuer bien à arroser son jardin quand on peut. Et puis surtout les balcons. Et tout ce qui est un plot, ça c'est important. Voilà. Ah oui, nous on sort, là en ce moment on va dire que deux fois dans la semaine, quand on a autour de 23-25 degrés, c'est à peu près ce qu'il faut sur les pots. Hein. Exactement. Tout à l'heure d'ailleurs on évoquera la météo du jardinier, comme chaque semaine. Les prévisions Météo France qui sont pas... Sont correctes. Sont pas mauvaises. Demain, qui devraient pas être terribles, après le reste ça devrait aller. Ouais. Voilà, que faire au jardin ce week-end aussi, l'actualité dans le domaine du jardin. Et puis en deuxième partie, tout à l'heure entre 7 et 8, eh bien on va parler du métier de paysagiste. Et tiens, pourquoi ne pas faire appel à un paysagiste pour refaire son petit jardin ou sa terrasse aussi, tiens, pourquoi pas. Et surtout en fait se dire à quoi peut me servir un paysagiste, parce que c'est, on n'appelle pas forcément un paysagiste pour faire tout un jardin. On peut simplement demander un relooking. On peut se dire, tiens, il y a un endroit, je sais pas trop comment aménager ça. Mm-hmm. Et puis, on peut aussi avoir un paysagiste simplement pour entretenir son jardin, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne sait pas faire. Donc découvrira le métier de paysagiste aussi. Et puis, on va demander, bien sûr, à notre invité, qui nous donne quelques petits trucs, quelques petits secrets aussi pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aménager un beau jardin? Il y a quand même des règles de base. Mm-hmm. Voilà. Je voudrais qu'on parle un peu aussi de ça. C'est, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et qu'on a tendance à faire et qui donne pas le jardin comme on aimerait. Voilà. Eh bien, vous savez quoi? En plus, vous pourrez poser vos questions non seulement à Patrick, qui s'y connaît, c'est le moins qu'on puisse dire, mais aussi à notre invité, donc paysagiste, tout à l'heure. Dès maintenant, le 32-16 ou jardin@rmc.fr. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et merci encore une fois d'être là. Et on accueille Stéphane pour débuter. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour François et bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. D'abord, bienvenue. Un grand merci à François pour les quatre belles émissions qu'il nous propose le week-end. Oh ben c'est gentil. Bon, vous savez, sans voilà, les experts, je ne serais pas grand-chose. Oui, mais il y a quand même un initiateur. Oui, bien sûr. Vous nous appelez d'où, Stéphane? Des Hautes-Alpes. Des Hautes-Alpes, d'accord. Ben écoutez, voilà. Patrick est là, il vous écoute. Alors moi, ma question, c'est sur amender une terre de jardin avec oui. le sable. Parce que j'ai eu une terre très caillouteuse, même pierreuse, que j'ai tout enlevé quasiment. Et maintenant, je me retrouve avec une belle terre, mais qui s'est un petit peu affaissée. J'aimerais remettre un petit peu de volume dans cette terre, quoi. Pourquoi vous voulez mettre du sable? Ben, du sable pour donner un peu de structure à la terre. Vous avez fait une analyse de votre terre? Non. Vous savez pas comment elle est quand il pleut, elle est très lourde, elle est comment? Oui, moi je dirais qu'elle est entre le limon, qu'elle est légèrement argileuse. Oui. Alors bon, le sable c'est pas vraiment un amendement très recommandé. On l'utilise parfois en tant que sable, alors grossier. Hein, il faut vraiment que le calibre soit assez gros quand les terres sont extrêmement argileuses, de manière à apporter un effet drainant. Parce qu'en fait, le sable c'est en fait que des micro cailloux de silice qui ont l'avantage de pas s'agglutiner. Et évidemment, lorsqu'on a une terre argileuse, ça a un certain effet. Toutefois, quand je dis ça a tendance à pas s'agglutiner, c'est pas vrai dans le temps. Parce que quand vous avez du grès, par exemple, c'est de l'agglutinement de ces petits cailloux de sable et qui se compactent petit à petit. Donc, généralement, dans les sols, quels qu'ils soient, au niveau du jardin, on fait plutôt des amendements organiques. On va plutôt apporter des composts, on va plutôt apporter des fumiers décomposés, on peut même apporter de la tourbe noire gelée. Ça, c'est important qu'elle soit gelée pour qu'elle se réincorpore au sol. On ne met pas de tourbe blonde en général en amendement, mais de manière à ce que l'on crée une couche d'humus qui va permettre aux micro-organismes de travailler naturellement et de... Oui, comment ? C'est ce que je fais tous les ans, j'apporte du compost, le compost que je fais à la maison, quoi. Et malgré ça, vous trouvez que votre terre n'est pas adéquate ? Non, elle est si, elle est belle, mais c'était pour... Si vous voulez, j'avais creusé... Donc c'est du volume, c'est du volume que vous manquez. Vous manquez de volume. Voilà, disons que j'ai... Il faut trouver de la terre végétale de qualité et ouais. apporter ce type de terre, quitte à mélanger la terre végétale avec, encore une fois, aussi du compost, de manière à obtenir un bon sol de jardin. Mais le sable, que du sable, ça va pas le faire. D'abord, c'est d'une pauvreté, on va dire, agronomique incroyable. Le sable, vous apportez rien du tout. Il y a rien à manger, dans le sable. Oui. Hein? Donc, en fait, ce qu'on fait comme type d'amendement dans les jardins, c'est soit, donc, je disais, l'amendement organique, soit, quand on a une terre aussi très, très argileuse, on fait du chaulage. C'est-à-dire qu'on va apporter du calcaire de manière à décoaguler l'argile. Mais des amendements sableux, c'est quand même relativement rare. Voilà Stéphane. Bon, eh ben merci à vous. Merci à vous. Ben, je vous en prie, bonne journée. Ben vous aussi. Bonjour mon fils qui s'est levé à 6h pour m'écouter. Je l'embrasse. Eh bien on le salue, voilà. Allez, quel âge a-t-il votre fils? 15 ans. Ah, oula, voilà, futur jardinier. Faire réveiller un ado de 15 ans à 6h, bravo hein, ouais. Stéphane. Là franchement, vous êtes très très fort. Hein. Bravo. À bientôt Stéphane. Allez, merci à vous. Ouais, au plaisir. Le 3216 ou bien jardin@rmc.fr pour joindre Monsieur Miu Miu. Nous sommes en direct, comme chaque samedi matin. Et vous pouvez donc dès maintenant nous appeler. Si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone. Comme ça, on vous rappelle dans la foulée. On revient dans une minute avec encore quelques-unes de vos questions. À tout de suite. RMC, 6h-8h, votre jardin. Martin, il a quel âge ton papa ? 55%. Oh la chance ! Et le tien ? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter ? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Pratiquement 6h20, c'est RMC. Merci de nous rejoindre. Comme chaque week-end, les meilleurs experts de France m'accompagnent et nous sommes au cœur de ce rendez-vous jardin. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tout de suite, place à vos questions. Et c'est Charles qu'on accueille, Patrick. Bonjour Charles. Bonjour Patrick, bonjour François. Bonjour Charles, bienvenue. Merci d'avoir téléphoné mon appel. Hein. Voilà mon petit problème. J'ai une haie de buis rotondifolia, plantée il y a une bonne trentaine d'années. Elle fait 50 mètres de long sur 1,10 m de hauteur et 1 mètre d'épaisseur. Je souhaiterais diminuer l'épaisseur pour la ramener à 50 cm en supprimant au sécateur, un côté à la fois, l'ensemble du feuillage pour ne laisser que la charpente avec des moignons. Et je vous demande si cela ne va pas compromettre la santé de la haie d'une part et d'autre part si des jeunes pousses vont pousser sur les moignons. Oui, alors ça c'est quand même assez risqué. Hein. Ah d'accord. Le buis supporte parfaitement la taille, mais vous pouvez pas ratiboiser une plante. Ne pratiquement plus laisser de feuillage, parce qu'en fait, si vous coupez, si j'ai bien compris, vous les coupez les deux côtés voilà. Sur lesquels il y a du feuillage pour pouvoir revenir sur le centre. Mais je le ferai qu'un côté à la fois, si vous voulez. Oui, ça, je dirais même qu'il faudrait le faire. Faudrait le faire en 3 ou 4 ans, ce truc-là. Ah oui, voilà, d'accord. Voilà. C'est-à-dire opérer de manière assez douce, de façon à donner en permanence la possibilité à la plante de produire des nouveaux démarrages et puis sélectionner. En fait là vous êtes dans un cas qui est, je dirais, presque l'extrême complexité de la taille. Ah bon? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut que vous éliminiez une partie du feuillage, enfin des rameaux feuillés, pour dégager des rameaux qui, eux, au centre en général, ne le sont plus ou pratiquement plus. Et faire en sorte que ces rameaux créent du nouveau feuillage. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est intervenir de façon très éparse, si vous voulez, c'est-à-dire on coupe un peu comme ci et comme ça, de manière à créer, alors ça peut être forcément très joli, enfin ça peut l'être, mais c'est vraiment avoir, je dirais, un certain talent au niveau du sécateur. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, il faut couper et que ça se voit pas trop. Ça c'est faisable. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on sélectionne bien les rameaux. Oui. Vous dégagez donc une partie. Cette partie va recevoir le soleil. Faudra quand même bien arroser et même assez fertiliser dans la saison de manière à ce que on aide bien la plante. Et elle va générer des petits bouts de rameaux. Donc on va se dire, ah là ça marche. Donc on va couper après ce qui est à côté, etc., etc. Hein. Ah, donc d'accord. c'est vraiment ça. Si vous voulez pas massacrer complètement la plante, il faut y aller comme ça. Mm-hmm. Après, on peut tenter le coup de le faire en une fois d'un côté, mais c'est risqué, parce que vous savez, le feuillage, c'est quand même l'élément moteur de la plante. Tout le monde l'oublie un peu. Donc si on élimine tout le feuillage, le buis, c'est costaud, hein, ça devrait repartir. Mais en plus, bon, je dirais que moi, ma proposition, elle a l'avantage de ne pas défigurer complètement votre haie pendant toute la durée de l'opération. D'accord. Alors que si vous coupez tout d'un côté, vous n'allez pas avoir pendant un an, mais vous allez avoir pendant au moins 2 ans, voire 3 ans, une plante qui va être moche quand même. Mmh. D'autant plus que le buis, ça pousse pas quand même à une vitesse folle. Oui, parce que si vous faites ça, par exemple, avec du piracanta, ça marche très bien. Oui, nous on l'avait fait, alors vraiment, vous laissez que des moignons, vous laissez des bouts de bois, vous vous dites, ma haie, elle est foutue, elle est horrible, et à la fin de l'année suivante, elle est redevenue toute verte. Voilà, donc mais sur le buis, faut y aller quand même plus lentement. D'accord, j'ai compris, je vais procéder de cette manière-là, je taperai un peu par-là. Quoi. C'est intéressant comme travail à faire, hein. C'est-à-dire que allez sélectionner les rameaux que vous éliminez, de manière à pouvoir en permanence les renouveler. Mais ça c'est un bon boulot, parce qu'en même temps, vous allez rajeunir votre haie, vous allez lui redonner de la dynamique. C'est ça, d'accord. Bon, ben très bien. Voilà Charles. J'ai bien fait de vous appeler. Merci Patrick, merci François. Hein, merci beaucoup. Merci encore pour tous les conseils que vous donnez, hein, c'est merveilleux. Hein, continuez, hein, merci bien. Merci Charles. Allez, au revoir Patrick, au revoir François. Au revoir. Charles, qui nous a appelé au 32-16. Voilà, vous pouvez faire un tour. Mais voilà. Vous vous dites, ah tiens, la question de Charles était pas mal. J'en ai une aussi qui pourrait être bien. Eh bien, allez-y, le 32-16 ou bien jardin@rmc.fr par mail. Tiens, au passage, n'hésitez pas à liker, comme on dit, notre page Facebook, Votre Jardin RMC, voilà, avec beaucoup, beaucoup d'actualités tout au long de la semaine. Et puis, on a aussi notre compte Twitter, Votre Jardin sur RMC. Là aussi, vous pouvez nous suivre sur Twitter. Nicole nous attend au 32-16. Bonjour, Nicole. Bonjour François, bonjour Patrick. Bonjour Nicole. Merci de prendre mon appel et merci pour vos émissions si passionnantes. C'est gentil. On vous écoute, Nicole. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai un problème avec mes chênes verts. Je suis très inquiète. Ça fait 3 ans que j'ai de la cochenille en avril-mai. J'ai traité avec un produit, le anti-cochenille, le Solabiol. Bon, évidemment, les cochenilles sont mortes. Mais cette année, l'infestation a été vraiment très importante. Bon, les cochenilles sont mortes, mais les arbres ont perdu beaucoup, beaucoup de leur feuillage. Maintenant, mon grand chêne touffu, on voit au travers. Et ils ont... aussi, ils ont refait des feuilles, même des grandes branches, mais les branches sèches, elles sont vraiment, vraiment moches. Et ils sont infestés par des tas de choses, bon, des champignons certainement, il y a des plages marrons. Je vous ai mis par mail des photos. Il y a des plages marrons, il y a des pucerons. Et surtout, il y a un feuillage sur l'envers, un feutrage sur l'envers des feuilles, un feutrage blanc. J'ai regardé ça à la loupe binoculaire et on peut gratter et ça peut couvrir tout l'épiderme inférieur. Bon, alors évidemment, sans doute, la plante souffre et les feuilles sèchent et les rameaux se mettent à tomber. Donc, vous avez beaucoup de chênes verts? Non, j'en ai un grand et un plus petit. Oui, parce que petit. Si on en a énormément, c'est compliqué après. Bon, il y a plus de cochenilles ou il y en a encore? Oh, hier, je suis tombée sur une cochenille vivante. Bon, parce qu'en fait, si vous avez suivi déjà nos émissions régulièrement, j'en parle assez souvent des cochenilles, on a ce problème-là, c'est que il y a beaucoup de générations de cochenilles dans l'année. Quand vous traitez avec un produit classique du commerce qui est essentiellement à base d'huile de colza, vous allez étouffer les adultes et ça n'a pas souvent un effet très très efficace sur les œufs, même si c'est a priori considéré comme étant ovicide, mais généralement les œufs sont tellement mis dans les anfractuosités d'écorce, etc., ou sous les branches et tout, qu'en fait ils passent à côté et donc vous avez des nouvelles générations. Donc ce qu'il faut, c'est généralement renouveler quand même le traitement plusieurs fois, en général autour de 8-10 jours d'intervalle, en faire au moins 3 fois. Donc ça, c'est vraiment la meilleure chose. Après, derrière ça, bon, évidemment, la cochenille est un insecte piqueur-suceur, ce qui fait que il a tendance à épuiser quand il y a une invasion importante, il épuise l'arbre. Oui. Donc c'est normal que vous constatiez un petit peu nouvelles infestations, des maladies comme le... Moi je pense que vous avez de l'oïdium, quand on parle de feutrage blanc, généralement sur les chênes, c'est très très fréquent, surtout s'il y en a en cette saison. Actuellement, avec l'humidité que vous avez au matin, il y a beaucoup plus d'humidité qu'en plein été, vous avez vraiment toutes les conditions qu'il faut pour que vous ayez un développement de ce type de maladie cryptogamique. Donc, que faire? Non, parce que... Bon, je me suis mise à l'arroser au pied, parce qu'il recevait de temps en temps un arrosage automatique, qu'il avait sur les feuilles. Mm-hmm. Moi, ce que j'essaierais de faire, possible, c'est vraiment de doucher violemment. C'est-à-dire, faut pas quand même utiliser un nettoyeur haute pression à 100 bars, mais... avoir un jet puissant sur le feuillage, sur les troncs, etc., pour nettoyer. Parce qu'en fait, les cochenilles, ça peut générer aussi de la fumagine, donc une sorte de suie noire, etc., qui vient sur le mielade, même si vous avez des attaques de pucerons, etc. Donc, bien nettoyer la plante, et en même temps, ça lui redonne un petit peu de moiteur qui l'aide à redémarrer. Bon, après ça, vous avez dit, il y a des grandes branches qui se sont développées. Il faudrait peut-être retailler légèrement vraiment ces chênes de manière à les rééquilibrer. Et le fait de retailler, ça permet aussi d'avoir des démarrages plus bas et donc de recréer un peu l'aspect touffu. Mmh. Et derrière ça, il faut surveiller évidemment la présence de ces cochenilles et faire en sorte que vous éliminiez complètement l'ennemi. Mais ça, je voudrais quand même insister sur l'ensemble des traitements. Quand vous devez soigner, même vous-même, vous prenez pas qu'une seule aspirine. Souvent, on en prend pendant 2 jours, bien 3 jours. Mais là, oui, c'est oui. pareil. Il faut suivre le traitement de manière à être sûr d'avoir éliminé complètement le problème. Merci, Nicole. Bientôt 6h30 sur RMC. La météo arrive, ainsi qu'un rappel des titres avec Thomas Chupin. Et puis, on revient en compagnie de Patrick Mulan pour poursuivre ce rendez-vous jardin avec la météo du jardinier. Toutes vos questions jardin dès maintenant au 3216 ou bien jardin@rmc.fr. À tout de suite. Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, Votre Jardin sur RMC. Bonjour, c'est Apolline de Malherbe. Je vous donne rendez-vous demain midi sur BFM TV pour BFM Politique. Et cette semaine, je reçois François Baroin, longtemps un protégé de Jacques Chirac. Il est désormais l'atout maître de Nicolas Sarkozy, qui laisse même entendre qu'il fera de lui son premier ministre. BFM Politique, demain 12h-14h et 18h-20h sur BFM TV avec Le Parisien Aujourd'hui en France et RMC. C'est l'heure de la météo sur RMC. La météo, c'est avec Jean-Baptiste Bergès ce matin. Bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Alors l'automne nous réserve des surprises. Il va faire bon jardiner aujourd'hui. La preuve, ce samedi, les températures sont quasi estivales, entre 4 et 8 degrés au-dessus des normales de saison. Surtout dans le sud-ouest de la France, on attend plus de 30 degrés en Aquitaine, 30 aussi dans le Gers et le Tarn-et-Garonne. Ailleurs, le thermomètre va afficher 26 à Marseille, 26 à Paris, 22 à Brest et 22 à Strasbourg. Le tout sous un ciel majoritairement bleu toute la journée pour tout le monde. Seul bémol pour la Bretagne, où ce matin, des grisailles locales vont vous accompagner. Grisailles qui va devenir de plus en plus intense au cours de la journée. Des nuages qui annoncent le retour de la pluie pour demain dimanche. Et attention en Bretagne au vent avec des pointes assez fortes dans le Finistère. Il devrait souffler à 70 km/h. Le thermomètre ce matin, il affiche des températures un peu plus fraîches que cet après-midi. Entre 7 et 13 degrés, 7 pour Strasbourg, 13 pour Tarbes. Et sur le pourtour méditerranéen, il va faire entre 15 et 17 degrés. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC, précisément 6h30, un point sur l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. 2 défaites après 7 journées seulement, c'est autant que la saison dernière. Le football et le PSG qui rentrent dans le rang. Défaite 2-0 à Toulouse donc hier soir. La suite de la 7e journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui avec pour commencer 17h le déplacement de Lyon à Lorient. L'actualité de la nuit, c'est cette fusillade aux États-Unis. 4 personnes tuées, le premier bilan à l'ouest du pays dans l'état de Washington. Très peu de précisions pour le moment. On sait juste que cela s'est passé dans un centre commercial. À l'étranger également, la trêve définitivement enterrée en Syrie. Depuis hier, la ville d'Alep, ville tenue par les rebelles, fait l'objet d'un déluge de bombes jamais vu jusqu'ici. Opération menée par le régime de Bachar el-Assad, aidée par les Russes en vue d'une opération au sol imminente. Et puis au Gabon, la validation par le Conseil constitutionnel sur place, validation de l'élection d'Ali Bongo. Les premiers résultats du scrutin avaient provoqué en août dernier une vague d'émeutes meurtrières dans la capitale Libreville notamment. L'armée française totalement rééquipée, annoncée hier soir de la direction générale de l'armement, terminé le FAMAS. C'est de fusils allemands dont vont se munir les soldats, polémique justement sur le fait qu'ils ne soient pas fabriqués en France. Encore très peu de détails ce matin à Pantin, une mère de famille tuée par balle, c'était tard hier soir, tuée de 2 coups de feu alors qu'elle était au volant de sa voiture, le tireur a pu prendre la fuite. Et puis journée ville morte, tous les commerçants appelés à fermer le rideau aujourd'hui à Belfort, mouvement lancé par la mairie de la ville en soutien aux 480 salariés de chez Alstom dont la fermeture est prévue d'ici 2018. 6h31 sur RMC. Vous êtes avec Patrick Mulan et François Sorel, Votre Jardin. Merci beaucoup Thomas. Et vous revenez, j'en suis persuadé, à 7h. Je vais essayer. Voilà. Ne partez pas loin. Hein. Non. Quoi que vous avez le temps d'aller chercher les croissants, si vous voulez. Mais je ne suis pas sûr que vous aurez en même temps le temps de préparer le journal de 7h. C'est la difficulté. Et voilà. À tout à l'heure. Cela dit, ça nous fera du bien. Hein. Comme ça, on aura des quelques calories en moins. Oui, c'est cool. Important. Merci. À tout à l'heure. Et on repart dans ce rendez-vous jardin. Patrick qui est toujours à mes côtés, le 32-16 pour nous joindre. À tout de suite. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. Mister Mew Mew, il est temps de retrouver la question flash. La flash question, en moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question d'Aglaé, qui habite Mulhouse. Quelles sont les plantes à fleurs bleues et feuillage laineux blanc qui fleurissent en ce moment, Patrick? J'aimerais en avoir dans mon jardin. Ah oui, alors ça c'est vraiment très sympa. C'est ce qu'on appelle la sauge de Russie, la sauge d'Afghanistan, la sauge de Sibérie ou la lavande d'Afghanistan. Ça n'a rien à voir, enfin, à part la famille, ouais, avec une sauge ou une lavande. Ça s'appelle Perovskia atriplicifolia. C'est un peu compliqué comme nom. C'est une plante, effectivement, qui vient de l'Afghanistan, du Pakistan, du Cachemire. Alors, c'est vraiment très joli, hein, parce que c'est une sorte de sous-arbrisseau. C'est quoi un sous-arbrisseau? C'est que la souche est ligneuse en bois, mais les tiges, elles sont herbacées, et donc c'est caduque. Le feuillage, il est gris-vert, effectivement, même blanc, avec des feuilles de 3 à 5 cm, hein, ovales, découpées, lobées, donc c'est vraiment très très très joli. Mais quand vous les frottez, elles dégagent une véritable odeur de sauge. Et les fleurs, elles sont des sortes de petits tubes bleu-violacés et qui sont terminé par une lèvre, donc la famille des lamiacées, les labiers, comme on disait avant, comme les sauges, et donc qui ressemblent. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est une plante très gracieuse, très légère, vaporeuse, que vous pouvez associer. En ce moment, par exemple, vous mélangez Perovskia avec anémone du Japon, je vous dis pas comment c'est beau. Hein, donc voilà, et ça fleurit donc de fin juillet jusqu'à la mi-octobre, donc c'est vraiment intéressant. Ça pousse dans tous les sols légers. Attention, ça n'aime pas les sols lourds, argileux, trop riches, donc des terres caillouteuses pauvres, ça va aller très très bien. Ça supporte parfaitement la sécheresse. Bien entendu, vous allez le planter au soleil, même en plein soleil un peu aride, très très chaud, ça ne pose pas de problème. Et ça peut pousser dans toutes les régions. C'est une plante totalement rustique. Il y en a plein dans l'Île-de-France. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire un vrai plaisir. Et puis autre plante à fleurs bleues du moment, la barbe bleue, il faut pas l'oublier. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute. Et au 732-16, 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. J'adore notre nouveau générique, Patrick. Il commence en plus avec des petits cuits d'oiseaux, c'est sympa. Hein? Oh oui, si. Bienvenue, en tout cas, si vous venez de nous rejoindre, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est le jardin. On est ensemble jusqu'à 8h. Tout à l'heure, on va parler du métier de paysagiste. Oui. Qu'on va découvrir, qu'on connaît peut-être mal. Et d'ailleurs, à cette occasion, vous allez pouvoir poser vos questions, réaménager votre terrasse, votre jardin, lui donner un petit coup de boost, un petit lifting. Voilà. Hein, on va aussi essayer de savoir si ça coûte cher de faire appel à un paysagiste, parce que ça, c'est, je pense, souvent le premier frein. Question, oui, un petit peu. Oh là là, je vais pas y arriver. Ça va coûter cher, etc. Voilà. Mais il y a peut-être des prêts bonifiés aussi quand on fait son jardin. Voilà, un peu comme la maison, on va voir un petit peu tout ça. On peut avoir des petites aides. Alors, je sais pas si on peut avoir vraiment des aides, mais peut-être des prêts pas trop chers. D'accord. On verra. On en parlera tout à l'heure entre 7 et 8. Et puis, bien sûr, donc, si vous avez des questions sur ce sujet, le 3216 ou jardin@rmc.fr. Patrick, dans quelques instants, ce sera la météo du jardinier. Oui. Hein. Voilà, vous avez jeté un œil sur les cartes de Météo France pour les jours qui viennent. On verra si la météo peut avoir un impact sur notre jardin cette semaine. Mais vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Dans l'immédiat, c'est Jean-Philippe qu'on accueille. Bonjour Jean-Philippe. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, bienvenue. Voilà, je suis dans la Loire, j'ai un grillotier. Oui. Ça fait 25 ans que j'habite à Sombron, on est en pleine campagne. Il fleurissait, il était tout blanc, vraiment, c'était impressionnant. Et puis là, ça fait à peu près 2-3 ans, donc il fleurit toujours, il est tout blanc, on a l'impression qu'on va ramasser des grillotes en pagaille. Et puis, dès que la fleur coule, en fait, ça fait comme un dessèchement, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a de la paille plein l'arbre. Alors, il y a, on va dire, allez, 70% de perte. C'est-à-dire que je ramasse des griottes, mais rien à voir avec ce que je ramassais avant. Alors, je l'avais mis sur le fait bon, que l'arbre était vieux, mais j'ai d'autres griottiers qui sont jeunes et qui ont le même problème. Mmh. Ça fleurit, il y a des fleurs, il y a les pétales tombent, et il y a le fruit qui commence à se former, et puis pof, ça sèche tout. La fleur sèche, quoi. Est-ce que les fruits qui, eux, arrivent à maturité sont totalement sains? Ah oui, complètement, oui. D'accord. Alors, je suis très embêté de vous dire que il y a 9 chances sur 10 que vos griottiers soient attaqués par une maladie bactérienne, ce qui veut dire qu'ils sont condamnés à mort à terme, parce que, bon, il y a une maladie qui donne à peu près les mêmes symptômes que ce que vous avez expliqué, et qui s'appelle le Monilia, qui lui est une maladie cryptogamique, mais généralement, après avoir attaqué les fleurs et les jeunes rameaux, il attaque aussi les fruits, et les fruits pourrissent sur l'arbre, et ça c'est assez clair. Je vous coupe, les fruits fruits ne pourrissent pas, mais ben par oui. exemple, vous avez un dessèchement des petites branches là où il y a les griottes, quoi. On a l'impression qu'elles sont plus irriguées, quoi. Alors ça fait une et chaque année j'en coupe, quoi. Et là, est-ce que vous avez des écoulements de gomme sur le tronc? Non. Du tout? Non. Il y a pas du tout de symptômes de crevasses au niveau des branches ou des choses comme ça? Non, mais le vieux, peut-être, il y en a peut-être une ou deux, mais les autres arbres qui sont jeunes, non, il n'y a pas de problème. Bon, bah alors, dans ces cas-là, on va essayer quand même de faire un truc en pensant que c'est peut-être plus une maladie cryptogamique que bactérienne, parce que bon, en général, la maladie bactérienne, elle fait exactement ce que vous avez expliqué, sauf que on la décèle aussi par le fait qu'il y a l'écorce qui se fendit et il y a des sécrétions de gomme. Donc, s'il n'y a pas ça, ça peut être un peu plus rassurant. Donc, vous allez, au moment de l'automne, donc lorsque les feuilles vont être au moins la moitié des feuilles jaunes, vous allez faire une bouillie bordelaise. Donc là, ça va favoriser la chute des feuilles et ça va favoriser aussi la cicatrisation de l'articulation du pétiole de la feuille avec la branche. Parce que c'est souvent à cet endroit-là que pénètrent les spores des champignons. Mmh. Ensuite, au moment du débourrement, c'est-à-dire au moment de l'éclatement des bourgeons avant que les fleurs commence à s'épanouir, vous allez refaire une bouillie bordelaise. Et alors attendez, avant l'éclatement de... Au moment de l'éclatement des bourgeons, hein, avant qu'on voit la fleur, lorsque vous avez le bourgeon qui sort de sa dormance, là il éclate, là on fait une bouillie bordelaise. Mm-hmm. Et lorsque les pétales des fleurs vont tomber, donc lorsqu'il y a la chute des pétales, là on refait encore une autre bouillie bordelaise. Donc si vous faites ces trois traitement là, automne plus les deux de printemps, ça devrait normalement commencer à bloquer un peu la maladie. Bon, là, a priori, elle est quand même très très présente. Alors aussi, j'ai oublié, ramassez très soigneusement les feuilles, ne les mettez pas au compost, de manière à ce que vous ne propagiez pas la maladie. D'accord. Et bien sûr, continuez à faire ce que vous avez fait précédemment, à savoir couper très soigneusement toutes les parties desséchées, de manière à permettre à avoir un arbre aussi sain que possible. Mmh. Après, ça devrait déjà donner des résultats. Si ça marche pas, ce truc-là, vous nous appelez dans le courant du printemps, enfin en fin de printemps, au moment où les fruits vont continuer à retomber, ce que j'espère pas, parce que sinon, à ce moment-là, on serait plus sur la maladie de l'ordre bactérien, mais à ce moment-là, dans ces cas-là, les arbres... On n'a pas de soins, alors. Il faut se dire si une c'est chose. Bactérien, on peut dire que l'arbre est condamné. Oui, à terme il est condamné. Mmh. Alors, on peut faire aussi des bouillies bordelaises comme ça, puisque le cuivre est le seul antibactérien que l'on a aujourd'hui à notre disposition, mais qui est pas vraiment antibactérien. Il se contente d'empêcher un petit peu, enfin de faire reculer l'échéance. Très efficace, on va dire. Mais là, si c'est le Monilia, ça donnera un bon résultat. Voilà. Alors, je vous coupe, mais parce que bon, je m'étais renseigné un petit peu. Il y a un monsieur qui m'a dit éventuellement, ça peut être un champignon qui monte par la sève et arriver à au point où c'est beaucoup plus étroit, mais ça brûle la partie de montée de sève et c'est ce qui permet qu'il dessèche. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou je dis une bêtise? C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais de toute façon, le champignon, quel qu'il soit, il faut qu'on arrive à déceler qui il est de manière à pouvoir intervenir par rapport à sa biologie. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, bon, les traitements que je vous donne là, ce sont des bons traitements préventifs. Donc, normalement, ça devrait le faire, même si c'est pas le Monilia lui-même. Après, il peut y avoir plein d'autres choses. Hein. Bon, c'est pas très rassurant ce type de symptômes. Moi, les dessèchements brutaux comme ça, j'aime pas bien, quoi, disons. Merci Jean-Philippe, il est 6h41, c'est RMC. Dans un instant, ce sera Marie-France qu'on va retrouver, qui nous a appelé au 32-16. Elle aimerait savoir s'il est possible de déplanter un romarin âgé de 10 ans, Patrick. Voilà, sans trop de... En tout cas, de soucis à se faire. On va retrouver la question de Marie-France dans un instant. Mais auparavant, c'est notre météo du jardinier, puisque il est 6h42. Nous allons jeter un œil donc sur la météo de cette semaine. Nous sommes le samedi 24 septembre 2016, Patrick. Bien sûr. Ah, mais complètement. Et le 268e jour de l'année, vous savez qu'on perd encore 4 minutes de soleil là actuellement. C'est la dégringolade. D'ailleurs, ça commence à se voir maintenant. Hein. Avec un soleil qui va se lever dans 1 heure tout pile à 7h40 et se couchera à 19h43. On va avoir un petit peu plus de 12 heures d'ensoleillement. Donc nous sommes le troisième jour du mois de Vendémiaire dans le calendrier républicain, le deuxième jour du signe astrologique de la Balance, et la plante du jour, c'est la châtaigne. C'est vrai qu'en ce moment, les châtaigniers nous apportent les fruits, enfin ils sont pas encore mûrs, mais on les sent. Ça commence à arriver. À être là. Alors le 24 septembre 1803, naissait à Kiev en Ukraine Alexander von Bünge. C'est un très très important botaniste. Il y a des plantes qui ont son nom, d'ailleurs, parce qu'on se demande souvent pourquoi une plante a, par exemple, Clérodendron Bungei, pourquoi il s'appelle Bungei? Tout simplement parce que on l'a attribué à ce botaniste. Pourquoi Remurus Bungei, Pinus Bungeana, etc., qui sont des arbres ou des plantes que l'on a couramment dans nos jardins. Donc vous voulez faire un petit clin d'œil à cet Alexander von Bünge qui était assez important. Alexander von Bünge. Bünge, ouais, B-U-N-G-E, oui, tout à fait. Alors, je pense que ça se prononce à peu près comme ça. À peu près. Dites donc, aujourd'hui, on fête les Thècles. Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Thècles? Alors, on dit... Moi, j'ai vu aussi, on fête les Andoches. Et les Silouanes aussi. Ouais. Ouais, Andoche, c'est pas facile. Andoche, hein. C'est pas facile. Non, non, ouais. Non. Mais même Thècles, ça doit pas être souvent. À la Sainte Thècles, dans la pelouse, les champignons poussent en cercle. C'est vrai qu'on voit parfois ce qu'on appelle des rondes sorcières. Construire un mur à la Sainte Thècles durera un siècle. Ben, on l'espère pour vous. Ben oui. Alors, la météo du jardinier, écoutez, à part demain où le vent va souffler plutôt sud et va nous apporter pas mal de précipitations surtout sur la moitié ouest, on va dire, et qui vont se renforcer un petit peu sur la moitié du pays. On aura une très belle semaine parce que on a des vents qui vont revenir nord-nord-est et donc on va être plutôt dans un temps un petit peu sec. Alors les matinées peuvent être assez fraîches. Hein. On peut avoir à partir de lundi un petit 8 degrés dans l'intérieur des terres, une moyenne de 12 degrés dans la moitié nord, mais dans le sud, on aura jusqu'à 18 degrés à Nice au lever du jour et on aura dans la journée entre 17 et 25 degrés. Donc, quelques petites gouttes un peu éparses lundi, mais alors vraiment rien de grave. Alors, au jardin, c'est le moment de commencer certaines plantations, hein, pour le printemps, notamment. Allez, les bulbes. Faut y aller là. Les bulbes à fleurs les plus précoces, les crocus, les personnages, les narcisses, tout ça, même, amusez-vous à en faire des potées aussi, c'est vraiment sympa parce que tout d'un coup, on les oublie. Vous savez, les bulbes, on les plante maintenant et puis ils ne fleurissent qu'au printemps. Donc on sait plus où on les a mis. Et puis tout d'un coup, au printemps, ça sort et on est émerveillé. Donc vous pouvez aussi, bien sûr, en profiter pour planter des bisannuelles, ça a dépensé, des myosotis, des pâquerettes, mais aussi des plantes de saison. Faites des jardinières avec des petits asters, avec des carex, avec des choux décoratifs, avec des petits cyclamens, des chrysanthèmes, tout ça. Les pernessias, les bruyères, les perovskia, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont vraiment sympas. C'est la très très bonne période aussi pour planter les conifères et les plantes à feuillage persistant, et notamment les rhododendrons. Donc allons-y, hein, on travaille au jardin, parce que à partir de mardi, donc on sera toujours sur du nord-nord-est, on aura aussi un minimum de 7, hein, on descend un petit peu au matin. Ah ouais, 7 hein, quand même. Hein. Bah oui, ça commence à faire... En dessous de 10, par exemple, si vous êtes dans une région où vous avez 7 degrés le matin, il vaudrait mieux mettre déjà une protection sur les tomates. D'accord. Pour qu'elles continuent à pouvoir mûrir un petit peu, puisque dans la journée, on aura des températures agréables. Oui. Donc il faut en profiter encore. Donc on est vraiment dans une période favorable pour le jardinage. C'est le moment aussi de tailler les aides conifères, les aides régulières, d'éliminer aussi les plantes aquatiques envahissantes. Hein, ceux qui ont planté certains végétaux qui poussent dans les bassins, de temps en temps, c'est pas terrible. Donc on va être plutôt à l'ouest, nord-ouest à partir de mercredi au niveau du vent. Donc on aura un peu plus de douceur. On va remonter à 9 degrés au minima dans le lever du jour, et toujours très belle journée, très ensoleillée, surtout dans la moitié sud, toujours de 18 à 25 degrés. Donc on continue à jardiner sans problème. C'est le moment aussi de diviser les grosses touffes de plantes vivaces, hein, qui ont fleuri au printemps ou en début d'été, ça c'est pas mal. Toujours donc sud-sud-ouest sur jeudi. Alors on a un peu plus d'instabilité avec peut-être 3-4 gouttes de la Vendée au Pas-de-Calais, moyenne qui remonte le matin entre 10-12 degrés, et puis toujours 20 à 25 degrés, 25, c'est toujours la Corse, mon cher François, bien entendu. Et puis ça va être le moment de commencer à nettoyer le potager notamment. Et puis pensez, tiens, à un truc on le fait pas assez souvent, c'est d'apporter un engrais à la pelouse et aux rosiers en cette saison. Et vendredi on devrait peut-être revoir la pluie se généraliser. Mais là, c'est normal, c'est le week-end qui arrive. Vous avez raison. Alors bon, on va lever le pied vendredi, on passera peut-être un week-end un peu plus à l'abri. Il y avait un indice de confiance de 3. Oui, voilà, c'est ça. Pas, on sent, encore une fois, on le dit souvent, que Météo France, là, n'a pas de prévision certaine. Sur une semaine, c'est jamais certain. C'est jamais certain. Voilà, on a les tendances, donc je pense que vous allez passer une bonne semaine jardinière, n'hésitez pas. C'est une belle période. Hein, ouais, ouais. Truc. Bon, sauf demain. Mais c'est normal, demain c'est dimanche. Donc il ne faut pas qu'il fasse beau le dimanche. Il est pratiquement 6h48 sur RMC. On revient dans un instant, les amis. Et ça sera avec Marie-France. On va enfin s'occuper du romarin de Marie-France. Voilà, le 32-16. jardin@rmc.fr. A tout de suite, c'était RMC. RMC jusqu'à 8h. Votre jardin. Les 6 jours grande marque chez Intermarché. Profitez de 70% en avantage carte sur le pack de 6 bouteilles d'un litre 5 de Coca-Cola. Oui, 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Standard ou zéro, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Martin, il a quel âge ton papa? 55%. Oh la chance! Il tient? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Vous souhaitez gagner aux courses et vous n'en pouvez plus des pronostics à rallonge en 8 chevaux? Le remède, c'est moi, le diplomate de ZoneTurf.fr, et je vous livre mes infos exclusives et confidentielles au 08 99 103 103. Tous les jours, retrouvez mes tuyaux pour le quintet, les derniers bruits d'écurie et les meilleures chances des professionnels pour vous faire passer à la caisse. A tout de suite au 08 99 103 103. Service 2,99€ par appel plus prix d'un appel. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Jean, alors à 8h tu poses un disjoncteur chez monsieur Chauvet, à 9h10 tu files chez monsieur Dubois, à 10h tu vas chez madame Lefort, à 11h il faut que tu repartes chez monsieur Leduc que je viens d'avoir au téléphone. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 129€ par mois sans apport. Tout est inclus, entretien, garantie, assistance. Loyer, taxe, crédit bail, maintenance 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express. Sous condition de reprise, réserve aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Voir Renault.fr. RMC, 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Il est 7h10, bienvenue chez nous, c'est RMC, c'est le week-end des experts et toute l'équipe du week-end des experts vous salue, Mélanie, Jérôme, Aurélie, notre productrice, Amina qui est au standard, et puis bien sûr Patrick à mes côtés, qui attend vos questions au 3216, vos questions jardin, profitez-en, c'est maintenant ou jamais, 3216 ou jardin@rmc.fr. Pas ou jamais, ou la semaine prochaine. Voilà, et c'est vrai que là si vous avez une question, allez-y, voilà. On compte sur vous. Tout à l'heure, on parlera donc de paysagistes. Comment, pourquoi et à quel prix c'est les questions qu'on posera à nos invités. Et puis si vous en avez des complémentaires ou si vous voulez témoigner parce que vous avez fait appel à un paysagiste, voilà, tiens, ça peut être sympa. Bien sûr. Comment ça s'est passé voilà. Est-ce que ça vous a ruiné? Est-ce que ça vous a coûté cher ou pas? Le 32-16, jardin@rmc.fr, ce sera tout à l'heure entre 7 et 8. Mais d'ici là, Marie-France. Bonjour Marie-France. Bonjour à tous. Merci de me prendre la question. Voilà, j'ai un petit problème de romarin. Là, je suis obligée de déplacer pour des travaux. Il a 10 ans. Comment je peux faire? C'est possible. Vous voulez le faire maintenant, là? Oui, oui, oui. Parce que les travaux, ils ont commencé déjà. Mm-hmm. Bon. Alors, non, mais... Bon, je vous sens un peu dans le souci, alors, Patrick. Alors, c'est vrai. Non, attendez. On n'est pas dans la même catégorie de jeu. C'est-à-dire que soit... vous avez une très belle touffe de romarin qui vous plaît particulièrement, etc. Vous voulez absolument la transplanter et on peut toujours tenter le coup. Vous me parlez derrière de bouture, bah oui, on peut toujours bouturer, surtout que c'est la bonne période. À ceci près, c'est que vous allez avoir un bébé plante. Donc il faudra attendre encore un certain temps pour que la plante retrouve la superbe de son parent. Alors, vous pouvez faire les deux d'ailleurs, ça l'un n'empêche pas l'autre. Donc on va commencer par les boutures, c'est assez facile. Les boutures de romarin, donc on prend des pousses d'extrémité à peu près de 8-10 cm. Donc vous débarrassez les deux tiers de la base de leur feuillage et vous piquez les boutures dans des pots mélange de sable et tourbe blonde par moitié, sable de rivière, tourbe blonde ou même un petit peu de terreau de semis si on veut pour avoir quelque chose de très très drainant. Et derrière ça, vous avez l'obligation de les mettre à l'étouffée, comme on dit, c'est-à-dire que soit on les met dans d'une terrine avec une cloche, enfin ce qu'on appelle des mini-serres. Il y en a qui sont d'ailleurs assez hautes pour pouvoir faire des boutures. Soit bah, vous faites un arceau avec un fil de fer et puis vous glissez dessus un sac de congélation et vous attachez avec un élastique et ça vous fait une mini-serre individuelle. Le sac sympa. Congélation voilà. Transformé en mini-serre. Exactement. Il n'y a que Patrick Mulan qui peut vous donner ses conseils. On fait ça aussi avec des demi-bouteilles d'eau minérale. Oui, bien sûr. Ouais, on c'est peut sympa. Faire aussi ça. Vous coupez la bouteille d'eau minérale en deux. Vous gardez le bouchon si vous prenez la partie supérieure parce qu'il faut que ça soit étanche, faut que ça soit étouffé, ah oui. Mais ça marche très bien. On fait alors, pas les petits trous quand même pour que ça respire. Non, on fait pas de trous. Pas du tout. Non. D'accord. On arrose bien et il faut que vous ayez de la condensation sur la serre. Alors, ça, c'est la bouture. Bon. La transplantation, elle est possible. Simplement, on est un peu tôt en saison. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre la motte la plus grosse possible autour des racines, de manière à ce que la plante elle soit le moins stressée possible. Faites le trou de plantation avant et hop, on transplante tout de suite. Tout de suite. Et on noie complètement la plante pendant au moins 15 jours pour que vraiment il y ait une reprise. Puis vous la mettez dans de la terre légère. D'accord. Très important. Parfait. Merci Marie-France. On enchaîne avec Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne, bienvenue. Merci de me prendre. Voilà, nous avons un mandarinier dans une serre. Il est planté en pleine terre. Il a environ une quinzaine d'années. Et depuis 3 ans, les fruits grossissent. Et à cette époque-ci, ils éclatent et ils tombent avant d'être mûrs. Vous les arrosez trop ? Bon, on les a arrosés deux fois par semaine pendant les grosses chaleurs. Maintenant, on les arrose à peu près une fois par semaine. On fait une conque et on remplit la conque au pied. Alors, ce qui est curieux, c'est que nous avons 3 mandariniers. Mmh. Et ça se produit que sur un seul. Et pourtant, ils sont traités à la même enseigne. Oui, alors ça, vous savez, c'est toujours un peu les mystères de la nature. Pourquoi est-ce qu'il y a une plante qui se comporte différemment des autres? Au niveau du sol, c'est quoi comme type de terre? Oh, c'est un sol plutôt, comment tu dirais, rocailleux. Oui. Oui, c'est calcaire. Alors moi, je vais peut-être dire exactement l'inverse de ce que je disais précédemment. C'est que je me demande si vous les arrosez pas un peu trop, de manière trop éparse. C'est-à-dire que, par exemple, sur tous les agrumes que j'aime au jardin, et je suis pas dans une très très bonne région pour ça, évidemment, quand on a une température parisienne qui est au-dessus de 25 degrés, moi je les arrose tous les jours. Tous les jours? Tous les soirs. Tous les soirs? Oui. D'accord. Un petit peu d'engrais agrumes ou pas? Alors oui, quand on est en pleine terre, c'est moins important, mais quand on est en pot, c'est absolument indispensable. Alors nous, on arrose souvent, je dis toujours, moi je mets un bouchon d'engrais dans un gros arrosoir et j'arrose toujours avec ça. Ça, c'est une des donc, méthodes. Tout le temps, il y a de l'engrais. Oui, on peut oublier une fois, d'accord, de temps en temps. Mais non, mais ça permet d'avoir une fertilisation très régulière. Mais là, c'est pas une question de fertilisation. Là, c'est possible que ça fasse la même chose qu'avec les tomates. C'est-à-dire que quand vous avez un arrosage irrégulier, la plante, elle se gorge d'eau au moment où vous donnez de l'eau, alors qu'elle s'est, on va dire, un petit peu rétractée lorsqu'elle a manqué d'eau. Et du coup, les tissus, ils sont un petit peu surgorgés et paf, ça produit l'éclatement. Mmh. Donc, évidemment, après la pourriture, elle est logique. C'est-à-dire que quand le fruit a éclaté, il y a de la pourriture qui se met dessus. Donc, je pense que peut-être essayer de voir, surtout si vous avez un sol bien drainant, comme vous dites. Moi, je dirais qu'à partir du moment où on a 25 degrés, on arrose tous les soirs. Alors, c'est pas non plus la peine d'en mettre des tonnes, mais parce que j'ai vu même quand on avait au-dessus de 30 degrés, j'étais obligé d'arroser. Mais ils étaient en pot 2 fois par jour, parce qu'on voyait les jeunes pousses qui commençaient à baisser du nez, ça vous le dit tout de suite. Et là, nous, on a beaucoup arrosé les agrumes cette année, et ils sont magnifiques, peux vous dire. Ouais. Avec des fruits? Avec des fruits, oui. Et là, il y a par exemple tout ce qui est calamondin, donc qui sont des sortes de petits mandariniers d'intérieur, ils sont en pleine fleur en ce moment, il y a des fruits en bas, et sur les nouvelles pousses, il y a déjà des fleurs, donc c'est vraiment des plantes toujours... Parce que les agrumes, c'est toujours en végétation, donc ça, il faut vraiment... Il faut y aller. Oui, il faut y aller. Hein. Donc essayez de faire ça, Evelyne. Merci, Evelyne. Patrick. Bientôt 7h. Déjà. Eh oui, la météo, les infos. Et on revient pour notre deuxième acte dédié au jardin, avec vos questions jardin au 32-16. On va s'intéresser au métier de paysagiste. Comment, pourquoi et à quel prix? Voilà, je voulais dire que c'est la fête des jardins à Paris aujourd'hui et demain. Ouais. Et que c'est aussi la fête des plantes d'automne à Saint-Jean-de-Bourgard dans l'Essonne, ainsi que à Pupetière dans l'Essonne, dans l'Isère, pas dans l'Essonne. Donc Bourgard, Pupetière et Paris. Il y a des plantes à voir. Météo Info, on est de retour sur RMC, à tout de suite. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. Chaque samedi, RMC et PMU.fr présentent les courses RMC. De 13h à 14h, une heure avec les experts de la Dream Team RMC pour en savoir plus sur les courses hippiques du week-end. Tout à l'heure, 13h, 14h, les courses RMC. Le rendez-vous des parieurs hippiques, uniquement sur RMC avec PMU.fr. PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement, et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi. 99 euros par mois. Oh, alors là, je m'y vois déjà. En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la citadine Nissan Micra est à partir de 99 euros par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, un litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 30 septembre. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, bienvenue chez les Givrés. C'est loin, c'est froid, mais c'est leur choix. Au fin fond du Canada, ils vivent leur rêve de liberté dans des conditions extrêmes. Prisonnier des glaces, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Et c'est avec Jean-Baptiste Bergès qu'on fait un point sur la météo de votre week-end. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors s'il y a bien une journée pour profiter de votre jardin, c'est bien aujourd'hui. La journée s'annonce estivale avec des températures entre 4 et 8 degrés au-dessus des normales de saison par endroit et un ciel bleu azur. Le soleil va briller quasiment pour tout le monde dès le lever du jour. Je dis quasiment car en Bretagne, quand le soleil sera levé, la grisaille fera son apparition. Grisaille certes localisée, mais ces nuages vont devenir de plus en plus insistants au cours de la journée. Ce sont les de la perturbation qui viendra rafraîchir notre dimanche, car demain dimanche le programme sera beaucoup plus mitigé. Les premières gouttes devraient arriver en soirée par l'ouest. Mais en attendant, profitez de ce beau samedi ensoleillé et de la chaleur. Il fait actuellement 19 degrés à Nice, 14 à Toulouse, 13 à Paris, 7 à Strasbourg. C'est encore frais, c'est vrai, mais cette fraîcheur va très vite se faire oublier. À Strasbourg 7 ce matin, mais on attend 24 degrés cet après-midi. Il fera aussi 24 sur les bords de la Manche, 25 à Lyon, 26 à Marseille, 27 à Limoges et jusqu'à 31 degrés à Bordeaux, dans le sud-ouest, c'est là-bas où il fera le plus chaud. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec football, les matchs de la Première Ligue anglaise. 14h45, rugby top 14, Castres Racing 92. Et dès 17h, Intégral Foot Ligue 1, Lorient-Lyon, avec à 20h les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 7h, toute l'actualité, Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, le soutien d'une ville tout entière pour ses salariés. Opération Ville Morte ce samedi à Belfort, opération pour dénoncer la fermeture du site Alstom. Nous sommes aux États-Unis dans ce journal, nouvelle fusillade cette nuit, 4 morts dans un centre commercial à l'ouest du pays. Et puis le football et le PSG qui chutent encore une fois 2-0 hier à Toulouse, Paris, loin, très loin de sa domination des années passées. 7h sur RMC, bonjour à tous. De l'émotion, probablement, de la colère, certainement. Les rues de Belfort aujourd'hui, journée ville morte, opération ville morte en soutien aux 480 salariés en sursis de chez Alstom et surtout avec d'énormes craintes pour l'économie de la ville en cas de fermeture du site. Antoine Perrin. À l'entrée de la ville, une immense bâche donne le ton. Belfort, ville morte, soutien aux Alstom est écrit en rouge sur fond blanc. Une affiche qu'on retrouve aussi sur la porte de l'épicerie de Jennifer. Cet après-midi, elle va fermer son magasin. C'est les soutenir pour faire bouger et réagir rapidement parce que sinon Belfort va être malheureusement un pays mort s'il n'y a plus ces emplois-là. Car c'est toute la ville qui pourrait sombrer avec les salariés d'Alstom, affirme le maire Les Républicains de Belfort, Damien Meslot. Alstom, c'est 137 ans d'histoire à Belfort et cette fermeture qui va toucher 1300 emplois directs et indirects va avoir un impact terrible sur l'économie locale, sur une ville de 50 000 habitants. En plus de l'opération Ville Morte, une manifestation est prévue à 14h dans le centre de la ville où plus de 2000 personnes sont attendues selon les syndicats d'Alstom. Le reportage à Belfort d'Antoine Perrin. Jérôme Kerviel devra rembourser 1 million d'euros à la Société Générale, 1 million d'euros seulement comparé aux près de 5 milliards d'euros évoqués jusqu'ici. Pourquoi cette clémence envers le trader? Parce que la cour d'appel de Versailles a jugé hier que la banque était en grande partie responsable des pertes subies à l'époque. Résultat, le gouvernement se demande si l'aide apportée à l'époque à la Société Générale était justifiée. On parle là de 2 milliards d'euros d'aide fiscale. Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie, demande un remboursement. C'est une énorme victoire pour le contribuable. Si Jérôme Kerviel est partiellement responsable, eh bien ça veut dire que la banque l'est partiellement aussi. Et en fait, elle est responsable de dysfonctionnements majeurs, de carences dans le contrôle hiérarchique. Et ça veut dire très clairement que jamais le contribuable aurait dû dédommager la banque. C'est 30 euros par français qu'on a donné à la Société Générale. Moi, j'attends de Michel Sapin un geste très clair pour récupérer cet argent qui appartient aux Français. Et le gouvernement a justement demandé hier un examen fiscal de la Société Générale. Mais l'avocat de la banque, Jean Veil, estime qu'il ne remboursera rien. C'est tout à fait exclu. La jurisprudence ne prévoit pas ça. On est dans une situation qui est comparable à celle d'un commerçant à qui un comptable a volé, disons, 20 000 euros. C'est pas parce qu'il n'a pas surveillé son comptable qu'on va considérer qu'il ne peut pas déduire ces 20 000 euros des profits et par conséquent ne pas payer l'impôt dessus. On est exactement dans la même situation. À l'étranger, ce matin, très peu de détails pour l'instant dans l'ouest des États-Unis. Nouvelle fusillade dans un centre commercial de l'État de Washington. 4 morts, c'est le premier bilan, Philippe Gasso. Eh bien oui, c'est dans un centre commercial de la ville de Burlington, dans l'État de Washington, que la fusillade a eu lieu. La police poursuit maintenant un jeune homme de type sud-américain qui a réussi à s'enfuir. Il est armé, il a tiré, il est donc dangereux. Les secouristes ont été autorisés à rentrer dans le centre commercial sous escorte policière pour soigner un nombre encore indéfini de blessés. Les caméras de surveillance ont pu filmer un homme, probablement le tireur, que la police tente maintenant d'identifier. La population est invitée à rester chez elle tant que la chasse à l'homme se poursuit. C'est la seconde fois en moins de 8 jours qu'un centre commercial est pris pour cible aux États-Unis. Philippe Gasso, le correspondant d'RMC aux États-Unis. Au Gabon, la validation par le Conseil constitutionnel sur place, validation de l'élection d'Ali Bongo. Les premiers résultats du scrutin avaient provoqué au mois d'août une vague d'émeutes meurtrières dans la capitale Libreville notamment. La ville d'Alep en Syrie sous un déluge de bombes. Déluge, c'est le mot utilisé par les habitants sur place, bombardement mené par le régime de Bachar el-Assad, aidé par Moscou, opération terrestre imminente sur place. La Syrie, objet également de toutes les inquiétudes des ONG, Handicap International par exemple, qui appelle aujourd'hui tous les Français à venir créer des pyramides de chaussures, pyramides pour rappeler les ravages que peuvent faire les armes antipersonnelles. Et pour bien se rendre compte de la vie dans les villes comme Alep, Kobané ou encore Homs en Syrie, l'ONG propose des casques visuels pour se promener en 3D dans les rues de ces villes. Projet expliqué par Magali de Neufchâtel d'Handicap International. Ça permet finalement à la personne qui visionne cette vidéo de passer du statut de spectateur un peu à distance devant son écran à un statut plus de participant. On voit donc une ville totalement détruite, des gravats, des silhouettes déboussolées, la vie qui bascule au moment d'un bombardement. Quelques messages aussi qui permettent de sensibiliser le public sur la réalité du bombardement sur les civils, puisque les bombardements sur les civils tue 90 personnes par jour aujourd'hui dans le monde. Magali de Neuchâtel, interrogée par Claire Checaglini. De nombreux fumeurs, face à l'augmentation du prix du tabac, sont passés depuis des années à la cigarette à rouler. Économie oblige, sauf que l'État a décidé que c'était terminé. Au 1er janvier prochain, le paquet augmentera d'un euro. Mesure forcément dénoncée par les adeptes, Charlotte Perronnet. Je vais vous prendre un paquet de Pueblo à rouler, s'il vous plaît. Merci à vous. Comme tous les 10 jours, Mélanie achète son paquet de tabac à rouler chez son buraliste de quartier. Un paquet de cigarettes, c'est grosso modo 7 euros. Ça me dure 2 jours. Un paquet de tabac à rouler, ça coûte aussi les 7 euros. Et ça me dure 10 jours. Donc forcément, l'annonce du gouvernement l'a fait grimacer. C'est énervant de voir que l'État va dans mon portefeuille parce qu'ils veulent réduire le trou de la sécu. Sauf que de l'autre côté, il y a les pneumologues comme le professeur à la Pitié-Salpêtrière, Bertrand Dotzenberg. Le fait qu'il soit roulé dans une cigarette, il brûle moins bien. Il est 3 à 4 fois plus toxique que le tabac ordinaire. Un euro de plus par paquet, un bon début, mais il faut aller plus loin. Se rouler une cigarette, ça revient à 15 centimes d'euros au maximum. Une cigarette industrielle, c'est 40 centimes. Donc si on voulait vraiment que le prix soit le même, il faut le augmenter de 300%. D'autant qu'en France, 230 personnes meurent chaque jour de maladies liées au tabac. Ouais, le reportage de Charlotte Perronnet, 7h06 sur RMC. En l'espace de 7 journées de championnat, Paris a perdu autant de matchs que toute la saison dernière. Le PSG n'écrase plus tout sur son passage. Défaite 2-0 hier soir à Toulouse. Le TFC deuxième au classement et son coach Pascal Duprat, ravi. Quand on gagne contre le Paris Saint-Germain, on ne peut qu'être satisfait. Satisfait du comportement des joueurs, satisfait du comportement d'ensemble, du public également. On aime ce sport pour vivre des moments comme celui-ci. Comme depuis beaucoup de fois maintenant ici, au stadium, on essore nos adversaires et on les bat sur la fin. Et la suite de cette septième journée, c'est aujourd'hui. Ça commence dès 17h avec le déplacement de Lyon à Lorient, la Ligue 1 de football. Et cette question est-elle si violente que ça? C'est ce que disait le coach monégasque Leonardo Jardim après la blessure de sa star Falcao mercredi. Antoine Arlot, ça ne semble pas être l'avis général. Oui, si les dernières journées de championnat ont été marquées par quelques fautes spectaculaires, les entraîneurs ne veulent pas croire que le foot français devient agressif, à l'image du coach lillois Frédéric Antonetti. La Ligue 1 est plutôt une ligue où les choses se passent normalement. Après, il peut toujours y avoir un incident. Hein. Vous savez, pour avoir connu le football des années 70, quand il n'y avait pas la télé, c'était autre chose. En observant les statistiques, on peut voir que les arbitres de Ligue 1 ne sont pas plus laxistes que leurs voisins européens. L'entraîneur de Bordeaux, Jocelyn Gourvennec, leur demande simplement plus de discernement. Il faut simplement que les arbitres protègent les joueurs les plus créatifs et puis prennent leurs responsabilités tout le temps et pas seulement en fonction de où se joue le match, ce qui arrive parfois. Depuis le début de la saison, 14 joueurs ont été sanctionnés d'un carton rouge, c'est 7 de moins que l'an dernier à la même époque. Le reportage d'Antoine Arlot. Et puis le football, c'est aussi de l'autre côté de la Manche aujourd'hui, la Première Ligue et un choc Arsenal-Chelsea, match à suivre sur SFR Sport 1 et sur RMC. 7h08, François Sorel, les courses, ce sera à suivre sur RMC aujourd'hui aussi. Et c'est à Auteuil, Thomas. Tiens, c'est Quartet Quintet plus Sébastien Arras nous conseille le 9 Viking Maker et le 12 Bandit d'Aîné. Brahim Asloum aime beaucoup le 10 Kialco et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 14 Messire Fontenayle et le 13 Urgent de Gregen. Nous avons donc le 9, le 12, le 10, le 14 et le 13. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec extra comporte des risques. Appelez le 0914. RMC, 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Il est 7h09 et nous voilà de retour. C'est RMC et c'est le week-end des experts de jardin. Je vous rappelle que tout à l'heure, à partir de 8h, ce sera la maison. Le bricolage, la maison, la déco n'a aucun secret pour Christian PC. Il me rejoindra donc tout à l'heure à 8h. Et on évoquera entre autres la ventilation, le traitement de l'air dans votre maison. Sujet hyper important. Et puis on vous offrira, comme chaque samedi, un très joli cadeau, une perceuse sans fil, Black & Decker. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Ce sera tout à l'heure à partir de 8h. J'ai une solution. Hein. Vous ouvrez les fenêtres de la maison sur le jardin. C'est déjà très bien. Et puis tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Bien entendu, évidemment. Mais il doit exister sans doute d'autres solutions qu'on évoquera tout à l'heure avec Christian. Patrick, pour cette deuxième partie, justement, si on ouvre les fenêtres et qu'on est en face d'un joli jardin bien aménagé, très sympa, ou une belle terrasse, tout de suite, ça vous change autre chose. Ça vous change la vie et je vous garantis que vous ne pourrez plus vous en passer après. Alors c'est vrai que, on va parler du métier de paysagiste et quand on pense paysagiste, la plupart du temps on pense création d'un jardin, on n'a rien, on sait rien faire, mais le paysagiste, ça va bien au-delà. Le paysagiste, lui, bon, d'abord, il peut intervenir que ponctuellement. Le paysagiste, il peut aussi intervenir pour vous soulager de certains travaux invraisemblables, comme d'aller tailler des grands arbres, oui, arracher des trucs. Des choses, on va dire, de force. Des choses... Oui, ou subtil, par exemple, si vous voulez installer un arrosage automatique, si vous voulez mettre une tondeuse robot, si vous voulez de l'éclairage de jardin, il vaut peut-être mieux faire passer par un professionnel, parce que sinon, ça risque d'être un peu bizarre. Après, derrière ça, évidemment, il y a aussi la partie entretien, tout simplement. Hein, si vous pouvez pas entretenir régulièrement, les paysagistes sont là aussi pour ça. Alors, on va essayer de bien parler de ce métier-là avec un professionnel qui s'appelle Étienne Désir. Alors, il est paysagiste au Jardin de la Vallée, donc dans les Yvelines, et il appartient au groupe Jardin d'Excellence. Alors, Jardin d'Excellence, les 1er de octobre, donc la semaine prochaine, c'est un réseau de plusieurs paysagistes. Ils organisent Dialogue au Jardin. Dialogue au Jardin, c'est des portes ouvertes où vous pourrez aller directement parler aux professionnels pour voir un petit peu ce qu'ils font et puis vous donner une idée. Étienne, bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour. Avec nous. Donc, je disais deux mots sur Jardin d'Excellence. Vous êtes combien dans le groupe? Alors, 35 paysagistes labellisés Jardin d'Excellence à travers toute la France. Donc, ça fait du monde. Donc, on peut aller sur le site pour savoir si on a un paysagiste pas trop loin de chez soi pour exactement. Aller la semaine prochaine le voir. Jardindexcellence.fr. Voilà. Alors, il y a un chiffre qui m'a un petit peu interpellé, un chiffre qui vient de l'UNEP. L'UNEP, c'est l'Union des entrepreneurs du paysage et donc qui, il s'appelle comment déjà? Regroupe la profession. Oui, en fait, bon, c'est le syndicat. 13% seulement des Français font appel à un paysagiste. C'est pas beaucoup. Oui, effectivement. Ben, 13% parce que probablement le Français est passionné par son jardin et pense que... Il est capable de le faire tout seul. Alors justement, vous, en tant que professionnel, vous pensez qu'on n'est pas capable de faire soi-même son jardin? Ça dépend du niveau d'exigence, on va dire. Voilà. Après, et puis la taille du jardin aussi, j'imagine. Et la taille aussi, du jardin, voilà. Et de l'environnement. Mm-hmm. Je veux dire que plus il est petit... Et plus c'est compliqué. Vous avez intérêt à faire appel à un paysagiste. Ah bah oui, parce que un mouchoir de poche, essayer d'en faire quelque chose d'esthétique, d'équilibré, etc., je peux vous dire que c'est un vrai casse-tête. La faute est interdite sur un petit terrain. elle sera plus pardonnée sur un vaste terrain, effectivement. Alors la faute, ça m'interpelle tout de suite, parce que quelles sont les erreurs de base que commettent la plupart des amateurs et qu'il faut éviter? Alors, les erreurs de base, je dirais, c'est d'essayer de reproduire toujours le même jardin, quelque part, souvent. Oui, parce qu'il n'y a pas deux jardins pareils. Il n'y a pas deux jardins pareils, parce que il n'y a pas deux propriétaires pareils. Au même titre qu'on va demander à un architecte de construire sa maison, on va demander à un paysagiste de construire son jardin. Et parce qu'il n'y a pas deux environnements pareils, il n'y a pas deux façons de vivre son jardin pareil. On n'a pas la même famille que le voisin, on n'a pas les mêmes préoccupations, on n'a même pas le même temps à consacrer au jardin, etc. Donc vous faites votre petite enquête du propriétaire pour savoir dans quelle direction vous allez aller. C'est le contact avec le client qui est primordial. La réussite d'un jardin, c'est d'abord la découverte de son client et de son environnement. Voilà, donc c'est comment il va vivre son jardin au quotidien. Mais souvent, on ne sait pas. Moi, j'entends souvent des gens qui me disent « Ah oui, j'aurais bien un jardin. » Bon, alors effectivement, ils savent peut-être s'ils ont envie d'avoir un petit espace pour manger, etc. Mais ils vont pas vous dire « Tiens, je voudrais un tel type de plante. » Ou comment ça se passe, ce dialogue-là? Alors, on arrive chez le client et là, on provoque une discussion. Donc, on se fait payer un café, globalement. On se met sur la terrasse et puis on fait un cahier des charges ensemble. Donc, vous faites un peu comme Stéphane Marie fait dans l'émission. Il va voir les gens et puis on commence à discuter avec eux. Et on dit, tiens, vous leur faites tout de suite une sorte de petit croquis comme ça ou... Ah non, non, parce qu'on fait d'abord un cahier des charges. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir si le client, par exemple, est dans une association de rugby qui invite 30 personnes tous les week-ends chez lui, ben, on fera une terrasse en conséquence. Surtout des rugbymen. Il n'a pas tout à consacrer à son jardin. Voilà, c'est une requête qui revient souvent. S'il y a des garnements qui courent d'entretien, partout, etc. Pour jouer, oui. Et puis après, vous tenez compte de l'environnement, on va dire, naturel, ça. Bon, l'exposition, le type de sol, etc. Oui, le voisinage. Dans les milieux urbains, le voisinage, c'est très important. Les points de vue à cacher, les points de vue à privilégier. Et puis après, tirer la quintessence du jardin, c'est-à-dire aller chercher des vues intéressantes, peut-être aller chercher des diagonales, etc., pour amplifier visuellement le jardin. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des petites surfaces en général. Alors, en milieu urbain, oui. Après, en milieu plus rural, on peut avoir justement des très belles vues à préserver. Et là, on va nous demander de cloisonner peut-être le jardin. Voilà. Donc, on s'adapte vraiment à chaque client. Ouais. Ouais. On a besoin de faire un cahier des charges avec lui. Mais ça peut aller loin, le cahier des charges. Dans le métier de paysagiste, on entend le mot paysage. Donc, vous devez vous intégrer aussi dans ce concept global du paysage. Exactement. Et ça, c'est peut-être la chose la plus

Loyer Tax Credit by maintenance 60 mois, 80 000 km pour Master Fourgon. Sous condition de reprise, réservée aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Voir Renault.fr. RMC, 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Et ce matin, dans notre rendez-vous jardin, on découvre le métier de paysagiste avec Patrick Mulan et notre invité Étienne Désir qui est avec nous en studio. Le 3216, jardin@rmc.fr, n'hésitez pas à nous appeler. Bon, Patrick, ça a l'air sympa le métier de paysagiste, mais quand on est client, est-ce que ça coûte cher? Voilà, je pense qu'on va parler un petit peu de la chose qui fâche ou même qui bloque souvent certains. C'est, on a l'impression que faire appel à un paysagiste, ça va coûter des fortunes. Alors, ça peut, un jardin, ça peut coûter une fortune, ça dépend des ambitions que l'on a. Mais en général, Étienne, on s'en sort bien quand même. D'abord, est-ce que vous, on fait payer l'étude du jardin? Alors, il y a deux choses à différencier. Il y a le devis qui est forcément gratuit, et après il y a l'étude qui, elle, effectivement, on demande une participation au client. Alors pour parler, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot, hein, pour le coup. Pour le coup, il y a des prises de mesures à prendre chez le client. Il y a des prises de mesures. Alors effectivement, les longueurs, mais aussi les hauteurs, hein, puisqu'on travaille avec des dénivelés. Donc il y a un premier déplacement à faire. Il y a une écoute client. Il faut savoir consacrer du temps à la découverte de son client, ses besoins, ses envies. Et après, la créativité déjà de faire le plan. Exactement. Et après, avec toutes ces données-là, on rentre au bureau et puis on va consacrer peut-être une journée minimum au client pour entre guillemets pondre un plan cohérent. Voilà. On est toujours dans tout ça. Vous êtes rémunéré. Alors, effectivement, et puis de toute manière, je vous engage vraiment à demander les tarifs de votre paysagiste dès le départ. Bah, un plan en moyenne, ça coûte combien? Alors, un plan, je vais parler de dans ma structure, dans notre entreprise, on va parler partir sur un plan 2D colorisé qui vous donne déjà une bonne idée de ce qu'on peut créer pour vous. On va partir sur une facture d'à peu près 500 euros. D'accord. Voilà. Et puis après, on peut aller jusqu'à 2 000-3 000 euros si on a une étude hyper complète en 3D par ordinateur, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a mis les moyens modernes. Ah, c'est formidable. Oui. Enfin, vous allez faire un vrai architecte de jardin. Là. Donc, on a des gens en bureau d'études qui sont capables de vous créer un film de votre jardin et vous promener dans votre futur jardin. Donc là, on est déjà pris complètement. On rêve déjà devant l'ordinateur. Ah, c'est oui, il y a les yeux qui pétillent quand on rend l'étude au client. Ouais. Donc 500 euros, on va dire, l'étude avec le plan, etc. Oui. Ensuite, on peut s'arrêter là d'ailleurs. On peut s'arrêter là dans la majorité. Exactement. Alors c'est une demande qu'on a souvent, c'est-à-dire des gens qui veulent le faire eux-mêmes ou qui veulent. Alors un jardin, il y a aussi une notion de temps. Hein. On a besoin de temps pour faire un jardin, donc les gens peuvent le faire en plusieurs séquences, mais ils aiment bien partir avec un plan au départ pour voir où ils vont. Quoi. Oui. Voilà. Donc avec 500 euros, on a déjà un plan qui est un vrai travail de réflexion de professionnel. Avec toute la liste des végétaux, il faut le dire aussi. Hein. Éventuellement, oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, donc on a le mode d'emploi en fait du jardin. Là, c'est ça. Alors si on rentre dans le détail du choix des végétaux, on ira peut-être un petit peu au-delà de 500 euros quand même. D'accord. Voilà. Mais quand on a déjà les massifs, leur taille, les terrasses, tous les volumes, etc. Je dirais que la base c'est 500 euros pour avoir un travail de vrai professionnel déjà. Ouais. Et après, donc le devis de création, ça dépend essentiellement de l'ensemble des travaux à aménager. C'est sûr que quand il y a beaucoup de maçonnerie ou quand il faut modifier la structure du sol, ou installer un arrosage automatique, enfin un goûtage. Je pense que déjà que c'est tout. Enfin, alors moi je suis passé par là parce que en fait je suis certainement jardinier à peu près correct, mais paysagiste c'est un autre métier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable quand même à partir de rien de vous créer quelque chose. C'est vraiment un créateur. Et donc,

La victoire d'Ali Bongo, validée au Gabon, validée tard hier soir par la Cour constitutionnelle du pays, l'issue du scrutin fin août dernier avait déclenché une vague d'émeutes meurtrières à Libreville et dans d'autres villes du pays. Elles prennent le bus ou l'avion ce matin direction le Vatican. 58 familles de victimes de l'attentat de Nice le 14 juillet seront reçues à midi par le pape François. Journée ville morte, tous les commerçants appelés à fermer le rideau aujourd'hui à Belfort, mouvement lancé par la mairie de la ville en soutien aux 480 salariés de chez Alstom dont la fermeture est prévue d'ici 2018. Les soldats français vont dire adieu au FAMAS, révolution dans l'armée qui va se munir de nouveaux fusils, sauf qu'ils ne sont pas fabriqués en France. Le marché de 400 millions d'euros avait été remporté par une société allemande. Un mot de sport, le PSG décidément loin de ses ambitions. Deuxième défaite de la saison, seulement 7 journées. C'était hier à Toulouse. Défaite 2-0, la suite de cette 7e journée, c'est aujourd'hui. Avec pour commencer 17h le déplacement de Lyon à Lorient. 7h31 sur RMC. Votre jardin, vous êtes avec Patrick Mulan et François Sorel. Merci Thomas. Et vous revenez tout à l'heure à 8h pour développer tous ces titres d'actualité. D'ici là, on repart dans notre rendez-vous jardin. Dernière demi-heure, on parle du métier de paysagiste et on va encore une fois s'intéresser au coût d'un paysagiste si vous faites appel à leur service, bien entendu. À tout de suite. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là ? Rien non plus. Et si vous passez la main là ? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Depuis des mois, vous attendez cette série. Elle vous obsède. Vous donneriez tout pour la voir. Alors réjouissez-vous. Les séries limitées MyCanal sont au programme dans tout le réseau Seat. Seat Ibiza et Seat Leon MyCanal. Des Seat suréquipés avec GPS et caméra de recul à partir de 159€ par mois. Pour une Seat Ibiza MyCanal, location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ suivi de 36 loyers de 159€ sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre valable jusqu'au 30 septembre, conditions sur seat.fr. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Nous sommes de retour, c'est RMC, un excellent samedi matin. On salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en ce samedi. C'est vrai que le samedi matin, c'est un jour actif. Il y a des enfants qui vont à l'école, il y en a qui vont travailler. On sait que vous êtes nombreux à nous écouter et nous vous en remercions jusqu'à 8h. Patrick Mulan, notre rendez-vous jardin. Et puis juste après, ce sera la maison avec Christian Pessé, le bricolage, la maison, la déco et la qualité de l'air intérieur avec Christian tout à l'heure, entre 9h et 10h. Mais dans l'immédiat, Patrick, on s'intéresse aux paysagistes. Voilà, on continue à aborder ce métier qui est quand même très très utile, parce qu'en fait on parlait avec Étienne Désir, donc je rappelle qu'il est paysagiste au Jardin de la Vallée dans les Yvelines et qui appartient au groupe Jardin d'Excellence, on parlait qu'un jardin c'est aussi valorisé, c'est-à-dire que ça va vous faire un coût, mais c'est un véritable investissement et sur du long terme. Exactement. En fait, effectivement, au départ, il y a un coût d'étude, mais l'idée, c'est de faire gagner de l'argent aux clients parce que effectivement, on va éviter toutes les erreurs avec un plan fourni dès le départ. Hein. On n'imagine pas construire une maison sans un plan d'architecte. On a du mal à imaginer un jardin sans un plan dès le départ. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont capables de ça. Moi, j'en connais plein. Des vrais fous de jardin, comme j'appelle, qui ont réussi à faire leur jardin petit à petit. Mais bon, ils travaillent tout le temps dedans, il faut le changer tout le temps. Parce que là, l'avantage avec le paysagiste, c'est qu'on va avoir quelque chose de structuré, et puis là, le jardin, bon, bah, il va être fait, et puis après, bon, il sera là, il va valoriser votre maison. Alors, je parlais quand même que le paysagiste, c'est pas que le créateur de jardin, c'est aussi l'entreprise qui peut entretenir votre jardin. Et quand on fait entretenir son jardin par un paysagiste, ça peut être intéressant aussi fiscalement, puisqu'en fait, il y a certaines entreprises qui permettent d'être payées avec un chèque emploi-service. Exactement. Alors, le service à la personne est une structure qui existe dans le paysage. Il faut se renseigner sur l'agrément de cette entreprise. Oui, il faut qu'on prenne un paysagiste qui ait cet agrément. Exactement. Hein, il faut une autorisation préfectorale. C'est un numéro d'immatriculation bien à part. Voilà. Alors l'avantage forcément, c'est que les coûts d'entretien de votre jardin vont vous pourrez récupérer 50% sous forme de crédit d'impôt. Donc ça c'est quand même particulièrement avantageux. Enfin, je vous me disiez, faut quand même faire attention parce que il y a paysagiste et paysagiste, comme on dit. Oui, alors effectivement, c'est une profession où, contrairement à d'autres professions, il faut avoir. C'est pas comme être médecin où il faut exactement. Vraiment avoir un diplôme. Voilà, un diplôme. Paysagiste d'occasion. Tout le monde peut s'installer paysagiste, donc il faut vraiment se renseigner sur la qualité du prestataire dès le départ. Et ça c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On demande les diplômes? C'est quoi le? Alors effectivement, on peut leur demander les diplômes, mais comme vous savez, les diplômes c'est pas non plus le. Oui. c'est pas forcément. Oui. Exactement. Après, tout bon paysagiste est capable de vous prouver ses références. S'il commence à aménager des terrasses, que ce soit du bois, de l'allage, de la clôture et tout ça, il doit être capable de vous fournir une décennale. Voilà. Une décennale, c'est une garantie comme pour la maison. Exactement. Ouais. Ouais. À partir du moment où vous avez des ouvrages qui touchent la maison, il va falloir être muni d'une décennale pour exercer. Voilà. Mais il faut. Oui, parce qu'il faut quand même avoir une certaine expertise quand vous aménagez une terrasse. Alors il y a l'étanchéité, il y a le poids, enfin il y a plein de choses que nous on maîtrise pas, mais que vous devez maîtriser. Ah oui, on est l'homme de métier, donc on a une obligation de résultat, et donc on doit respecter ce qu'on appelle les règles de l'art. Techniquement ça s'appelle les DTU. Ouais. Voilà, et tout ça notre métier de professionnel fait qu'on doit être hyper exigeant sur leur respect. Et c'est ça qui a conduit à créer Jardin d'Excellence? Exactement. En fait, voilà, c'est une profession qui est assez hétérogène, et donc Jardin d'Excellence a trouvé opportun d'avoir des critères pour adhérer à ce label. Et du coup, effectivement, je crois qu'on peut dire que à partir du moment où on contacte un paysagiste qui a ce label Jardin d'Excellence, on a une certaine garantie de prestation. Alors je voulais qu'on parle justement au niveau des prestations, mais donner un peu de conseils à nos auditeurs, parce qu'on parlait, l'intervention d'un paysagiste évite des erreurs. Quelles sont les erreurs que l'on commet le plus souvent dans un jardin et qui peuvent s'avérer, disons, génératrices de coûts? Alors, dans un jardin, globalement, ce qu'on voit, pour la partie végétale, on a toujours tendance à vouloir planter énormément dès le départ, très près des bâtiments, etc. Donc ça va engendrer peut-être des abattages, etc., très très coûteux par la suite. Après l'utilisation des terrasses, par exemple, on va souvent minimiser la terrasse. Or, c'est comme une cuisine qui fait 2 mètres carrés. Quand on est, je dis souvent ça aux clients, quand on a une cuisine qui fait 2 mètres carrés, on finit au restaurant parce que on n'a pas envie de cuisiner. Voilà. Et ben une terrasse, c'est pareil. Si vous voulez vraiment utiliser votre terrasse, il faudra une certaine dimension. Il faut pas minimiser cette dimension. Voilà. Il y a les circulations aussi. Je pense que tracer une allée, c'est pas aussi évident que ça. On a souvent tendance à, bon, allez, on va faire l'allée comme ça, puis après on l'emprunte jamais parce qu'on se rend compte que c'était pas exactement c'est le pas chemin. Ce qu'il fallait. Il y a des logiques comme ça, ou comme l'entrée du terrain. Enfin, moi je pense qu'il faut circuler dans son jardin pour un petit peu le comprendre. Et puis souvent, moi ce que je vois chez les amateurs, c'est aussi le fait de pas savoir grouper les végétaux. C'est-à-dire qu'on met des plantes un peu comme ça, on les met n'importe où, et du coup ça fait quelque chose d'absolument moche, quoi. Exactement. Donc il faut réunir les plantes, savoir les marier, et puis aussi quand on fait un massif, avoir les végétaux les plus grands. Ça a l'air bête comme ça, on dit faut mettre les végétaux les plus grands derrière et les plus petits devant. Sauf que quand vous connaissez rien aux plantes, vous achetez des plantes à la jardinerie, elles sont toutes de la même taille, sauf que 3 ans après il y en a qui font 3 mètres et puis d'autres qui sont restés à 50 cm. Donc ça aussi, le paysagiste, il a un rôle de connaissance végétale important. Absolument. Et puis il faut avoir une floraison toute l'année, il faut avoir des volumes qui changent, des couleurs qui changent, et tout ça c'est donc effectivement vaut mieux avoir un paysagiste qui connaisse vraiment bien les végétaux pour que toute l'année vous ayez un intérêt à voir votre jardin. Tout à l'heure on avait abordé le prix donc de l'étude, etc., mais est-ce qu'on peut entrer un petit peu plus dans les détails? Si par exemple, je ne sais pas, moi j'ai 100 mètres carrés de jardin, je dis n'importe quoi, est-ce qu'on peut avoir une idée, une fourchette de tarifs Pour une... Alors, pour un plan ou une réalisation ? Une réalisation. Alors, une réalisation, ben, ça va dépendre énormément. Si vous voulez une terrasse, alors, dès qu'on part sur de la maçonnerie, que ça soit du bois ou du dallage, par exemple, je sais pas, une terrasse, on va donner un prix de 200 euros du mètre carré. Hein, carré. Mmh. Fourni posé, hein, bien sûr. Donc, imaginez, vous avez des clients qui vont vouloir une terrasse de 16 mètres carrés. Donc, on va être à 4000 euros, grosso modo. Et puis, il y a des gens qui voudront pas moins de 50 mètres carrés. Donc c'est pas que je veux pas répondre, c'est que il faut compter 200 euros du mètre carré. Non mais 200 euros du mètre carré. Et après il y a les finitions. Hein, je dirais même dans une terrasse bois, vous allez prendre alors nous on offre par exemple des terrasses garanties 10 ans en pin et mm-hmm. ça sera un prix de base, je sais pas, environ 200 euros du mètre carré. Et puis on va proposer des bois qui vont jusqu'à 50 ans de garantie. Donc ils sont plus chers. 350 euros du mètre carré. Voilà. Mais là c'est le top du top. Hein. C'est le top du top. Est-ce qu'après il y a un suivi du jardin et de la terrasse et des contrats d'entretien? Ah oui, exactement, oui. Alors ça c'est une des particularités du paysagiste, c'est que alors d'abord nous en tant que professionnels, on aime bien suivre notre jardin parce que contrairement à un maçon, quand on part du jardin, Tout commence. Hein, c'est-à-dire que les végétaux vont se développer, les matériaux vont vivre. On est en extérieur, hein, donc tout commence. Et donc là, on a besoin de remettre en forme et de suivre un jardin. Voilà. Alors qu'un maçon, lui, quand vous partez, le mur, il est crépi, terminé, c'est fini. Mais ça, c'est quelque chose que la plupart des clients acceptent volontiers de faire des contrats d'entretien derrière. Oui, tout à fait, ouais. Sachant que dans le cahier des charges, en général, on essaye d'avoir un jardin qui demande peu d'entretien. Ça, c'est voilà. La demande générale. C'est la demande générale. C'est la grosse tendance. Mais est-ce que tu sais, d'ailleurs, une question, est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que c'est vraiment possible d'avoir un jardin qu'on n'entretient pas ou quasiment pas? Alors. Qu'on n'entretient pas du tout, c'est pas possible. Parce qu'il y a des intrants, des feuilles mortes, etc., qui arrivent de... Bien sûr. Il y a encore des arbres, hein, donc voilà. Malgré tout, réduire l'entretien d'un jardin de manière considérable, c'est vraiment ce à quoi on tend en ce moment. Et ça, faut le dessiner pour que, dès le départ, pour que l'entretien soit minime. Et la gestion de l'eau, c'est un des problèmes cruciaux aussi aujourd'hui. Et ça, c'est pas si facile quand on est amateur. Moi, je trouve pas... On pense jamais à mettre des points d'eau dans le jardin, mais on pense jamais à trouver des systèmes économiques pour arroser, etc. C'est ça, oui. Alors, l'arrosage automatique. Alors, le point d'eau, alors, il y a l'arrosage en lui-même. Ça aussi, on a tendance à le réduire énormément compte tenu du développement écologique au jardin. Et après, effectivement, le point d'eau qui peut être un bassin, une piscine, etc., une fontaine. Je crois qu'en France, c'est 5% des jardins qui sont équipés, là où au Benelux, et puis en Allemagne, on a 50% des jardins équipés. Alors moi, je veux dire à tout le monde, c'est qu'un jardin, il doit y avoir de l'eau. Sinon, c'est pas beau. De l'eau, c'est-à-dire sous n'importe quelle forme. Un bassin, une fontaine, des petits abreuvoirs d'oiseaux, des choses comme ça. C'est un des éléments essentiels. Hein, c'est clair, c'est vraiment, ça, non, mais parce que tout simplement, aujourd'hui, on parle beaucoup de biodiversité. Le point d'eau est le cœur central de la biodiversité. Vous allez avoir des grenouilles, vous savez pas comment elles sont arrivées, mais elles y sont. Il y a des insectes, des libellules, des oiseaux qui viennent voir, etc. Les moustiques. C'est une idée préconçue. En fait, les moustiques s'installent sur les eaux stagnantes. Oui, oui. Voilà. Et une eau stagnante, ça se transforme effectivement, là, ça devient catastrophique. Donc, il faut toujours avoir un système de filtration ou d'eau circulante. Et là, vous aurez pas de problème de moustiques. Messieurs, on revient dans un instant, 8h moins le quart. Nous sommes avec un paysagiste ce matin sur RMC dans ce rendez-vous jardin. Vos questions, témoignages, 32-16, bien sûr. À tout de suite. RMC, 6h-8h, votre jardin. Une rentrée cool pour Darty? C'est accéder à toute l'innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, il n'y a pas plus cool comme rentrée. Jusqu'à samedi chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty hors Darty.com. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel. Votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert. Avec son volume de 6,6 m3 grâce à la banquette ModuWork et profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179 euros par mois. Garantie assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900 euros. Détails sur PeugeotWebStorePro.com. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Voilà, dernière partie de notre rendez-vous jardin sur RMC. Il est 8h moins le quart et à 8h vous retrouvez la météo, les infos bien sûr. Et on enchaînera avec la maison et Christian Pessé. Patrick, encore donc quelques minutes pour découvrir ce métier qui est paysagiste. Voilà, et puis parler un petit peu justement de ce qu'on vous demande le plus actuellement, quelles sont les tendances. Bon, on est vraiment dans le jardin à vivre aujourd'hui, hein, le jardin. Il y a un cliché, on dit toujours que c'est la place supplémentaire de la maison, mais c'est vraiment, il y a on interchange en permanence entre le dedans et le dehors, et donc le jardin c'est plus un spectacle, enfin comme on faisait dans le temps, c'est plus un tableau, c'est quelque chose dans lequel on doit pouvoir circuler, manger, recevoir, etc. Ah oui, c'est une tendance de fond, hein. On appelle ça le bien-être au jardin. Oui. C'est vraiment, en fait, on s'aperçoit que on reproduit dans le jardin des pièces intérieures. Alors c'est assez incroyable, c'est-à-dire que il y a la cuisine avec le barbecue, il y a la cuisine d'extérieur, il y a le canapé d'extérieur, maintenant il y a les tapis d'extérieur, il y a même les radios d'extérieur, la sonorisation des jardins, il y a l'éclairage. Oui. On fait plus de jardin sans prévoir l'éclairage. Ah, ce qu'on faisait rarement il y a 15 ans, quoi. Voilà. Puis on disait le potager, alors ça c'est... Alors le potager, c'est le gros retour du potager, ouais. On a des grosses demandes de potager surélevé, parce que là aussi c'est le potager plaisir, hein. On y consacre un quart d'heure maximum par semaine. C'est la tomate cerise pour accueillir les copains le vendredi soir. Oui, puis toutes les bonnes herbes qui poussent toutes seules. C'est la sauge qui pousse toute seule, c'est la lavande, c'est vraiment le potager plaisir. On n'a pas de dépendance, hein, on n'a pas, voilà. Et le hit parade des plantes les plus demandées actuellement, voilà, vous êtes dans l'Île-de-France, mais globalement, ça peut être un peu pour tout le monde. Alors on va sur une demande de sujets de plus en plus forte, alors quelles que soient les régions. D'avoir un jardin qui fait toujours tout beau. Donc un gros arbre. Alors la tendance c'est beaucoup moins de végétaux qu'avant, mais avec des végétaux beaucoup plus importants et souvent beaucoup plus graphiques. Voilà. Par exemple, On peut avoir des bonsaïs d'extérieur, des niwaki, des plantes taillées, etc. C'est une sculpture, quoi. C'est une sculpture végétale. Là, on a une grosse demande là-dessus. Pas forcément, non, parce que du bonsaï, en plus, là aussi, il y a une notion de plaisir. Hein. C'est pas une taille de haie à 3 mètres de haut. On prend son petit sécateur à main et on se fait plaisir. On l'éclaire, etc. On est plus sur la plante bijou, entre guillemets. Voilà. Est-ce que votre revanche, mission... c'est vrai que c'est cher, quoi. Un beau bonsaï, un beau niwaki, oui, ça coûte cher, quand même. Mais bon, c'est pareil. C'est si on rajoute vos 200 euros du mètre carré, là... C'est une pièce... un peu spectaculaire, c'est un peu comme mettez un beau tableau bien sûr. Dans votre maison. Mais ça peut coûter combien un bonsaï comme ça? Ça peut coûter 2000 euros. Hein. 2000 euros? Ah oui. Ah oui, facilement. Ah, non, ça dépend ce que c'est. Parce que par exemple, si vous êtes sur du conifère, alors là, qui a l'avantage de pratiquement plus s'entretenir, vous pouvez aller j'aime pas quand Patrick fait la grimace. Non, mais largement là, au-delà des 2000, quoi. Ah oui. Il y a des bonsaïs qui viennent du Japon, qui sont travaillés depuis 15-20 ans par des gens qui sont, qui vous le taquent. Qui ont une valeur incroyable. Voilà, maintenant on commence à avoir des bonsaïs qui font 1m50, je pense, Ilex Crenata, par exemple, des belles pièces à entre 500 et 1000 euros. Et l'olivier, par exemple, c'est une valeur sûre? L'olivier, il y a des modes dans le jardin, voilà. Effectivement. Alors, l'olivier, on le plantait énormément il y a 10 ans. Et maintenant, là aussi, il est rattrapé par l'olivier plateau. Vous savez, un peu bonsaï. Ça, c'est vraiment pas beau. Mais non, c'est sorti du cœur. Non, mais parce que ça c'est vraiment autant l'Ilex crenata ou certains pinus sont vraiment des plantes qui sont parfaites dans ce genre de forme. L'olivier c'est pas fait pour ça. Et l'olivier c'est fait pour avoir son tronc qui donne cette espèce de forme naturelle, de crevasse, de choses. On a l'impression d'une plante qui a souffert, c'est ça. Mais pas le tailler en bonsaï. Bon sang, qu'est-ce que c'est moche comme l'olivier d'ailleurs. d'ailleurs qu'on vend souvent en jardinerie, qui est en boule, un olivier boule, oui. C'est une ineptie totale, quoi. Voilà, il y a des trucs comme ça, moi qui me. Oui, c'est comme une jolie fille trop maquillée, quoi. Ça a pas de sens. Oui, voilà, exactement. Non, mais, enfin, ouais, ou alors une personne magnifique, oui. Et puis qui est habillée en haillons, quoi. Non. Moi, ça, j'aime pas. On va dire deux mots quand même pour terminer l'émission sur ce qui se passe les 1er et 2 octobre. Donc, l'ensemble de votre réseau, donc, fait dialogue au jardin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors c'est intéressant, cette année on va développer justement sur le bien-être qu'on vient d'aborder, c'est vraiment l'idée de ces journées portes ouvertes. Donc on mettra en scène le bien-être au jardin dans nos entreprises, et donc vous allez réaliser des jardins éphémères. On réalise des scènes de jardins effectivement où le bien-être est mis en valeur, hein. Ça peut être le spa, ça peut être les végétaux, ça peut être les robots tondeuses, hein, on a parlé de l'entretien, voilà. Enfin, ça bouge énormément dans le paysage, donc voilà, le bien-être, c'est faire que le jardin devienne un vrai endroit et des vrais moments de plaisir. Le spa, ça commence à être quelque chose qu'on intègre dans les jardins? Ah oui, tout à fait. Ouais. Alors le spa, historiquement, c'est plutôt d'extérieur. Mm-hmm. Après, en France, on l'a ramené à l'intérieur, oui. Et maintenant, il ressort énormément. Voilà. Ah d'accord. Ça fait et donc, le 1er et 2 octobre, voilà, et on aura une conférence nationale avec Philippe Collignon. Avec Philippe Collignon, oui. Qui viendra présenter sa vision du bien-être. On aura la chance de le recevoir, nous, à Magny-les-Hameaux, dans le 78, pour cette... mais il sera présent sous vidéoconférence dans l'ensemble des jardins d'excellence à travers la France, samedi après-midi. Voilà. Ça, c'est des choses un petit peu sympas, parce que c'est vrai que faire le lien entre le public et puis les professionnels, c'est comme ça qu'on donne aussi envie, parce que votre métier, c'est faire des jardins, mais c'est en même temps que vos clients adhèrent au fait de devenir aussi des jardiniers et d'avoir envie d'entretenir leur jardin. Alors, le plus grand merci qu'on puisse avoir, c'est quand le client vient nous dire « Vous avez changé notre vie parce que on respire, on vit dehors, on part plus en week-end parce que finalement, on est mieux chez nous que chez en vacances. » Voilà. Et là, on voit dans les yeux que tout s'est passé, quoi. C'est notre grand merci, quoi. Voilà. Et c'est souvent quand même ça, en fait, quelqu'un qui fait appel à un paysagiste, qui a investi pour son jardin, après, il a envie quand même de le bichonner un petit peu, quand même. Ah oui, ça c'est sûr que... Parce que je vois même mon ami François, il est comme ça, maintenant, il laisse un petit peu sa petite femme le faire pour lui, mais... Oui, c'est un paysagiste personnel. Vous prenez vraiment un gros plaisir. Ah oui, c'est vrai, non mais c'est clair. J'avais peut-être une petite question pour résumer, parce que peut-être ceux qui viennent de nous rejoindre et qui se disent, tiens, ça m'intéresse, quels sont les premiers conseils qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent s'ils veulent justement faire appel à un paysagiste? Comment le choisir, tiens, justement, ce paysagiste? Alors, il reste le bouche-à-oreille, hein, qui est quand même traditionnellement une bonne manière de choisir son paysagiste. La renommée locale, c'est important. La renommée locale. Mais c'est pas toujours facile à savoir, ça, tiens. On va où pour avoir une renommée d'un paysagiste? Est-ce que vous avez des rapports fréquents avec justement les jardineries, qui sont les lieux où les jardiniers ou les futurs jardiniers viennent le plus souvent? Alors pas vraiment, parce que en fait la jardinerie, on va acheter le client va racheter quelques végétaux plutôt annuels ou des choses comme ça, là où nous on a travaillé les structures, donc on a pas énormément de relations avec le monde de la jardinerie, c'est vrai. Ouais. Alors qu'ils doivent avoir souvent des clients qui leur disent, tiens, je voudrais faire mon jardin, est-ce que vous connaissez un paysagiste, etc. Ouais, tout à fait, ouais. Après, c'est vrai que même sur Internet, maintenant, on a quand même pas mal de... Il y a pas mal de paysagistes présents, on peut aller les voir. Le bouche à oreille, les salons spécialisés, les journées des plantes, les salons spécialisés dans... Est-ce qu'on vous met souvent en concurrence? Les clients, lorsqu'ils ont envie de faire leur jardin, est-ce qu'ils vont voir au moins deux entreprises? Oui, bien sûr, oui, parce que après, bon, effectivement, la concurrence, il faut l'accepter, c'est source de progrès pour tout le monde. Après, je pense que c'est un peu comme le choix d'un architecte, c'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver la personne avec qui vous vous sentez compris, vous sentez bien, et vous sentez que le feeling passe. Voilà. Très bien.